Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une autre émission ludique, amusante, pimpante et pleine de contenu. Et ça, vous entendez la voix de Michael Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine. Il y a du monde en studio. Il y a le traditionnel Roux. Donc, M. Andrew Castegan, comment ça va, Andrew? Très bien, très bien. Et là, on va parler PS4 cette semaine, M. Castegan. On a eu la chance d'en tester une avec le jeu Assassin's Creed 4 Black Flag. Et d'autres jeux aussi sur le PlayStation Network. Ouais, c'est ça que toi, tu as eu la chance. Ben, ensemble, on a fait surtout Assassin's Creed 4. On va faire quelque chose de rapide au niveau de la critique parce que on prépare une grosse journée de gaming avec Éric Lajeunesse, notre chroniqueur bière, qui lui va se procurer la Xbox One, puis on va faire du comparatif. On vous prépare un gros dossier à ce niveau-là. Ça va être au courant du mois de décembre, avant Noël. Mais on va quand même vous parler de la PS4 aujourd'hui. On va également vous parler. En fait, la première chose que vous allez entendre aujourd'hui, c'est la chronique sécurité informatique de M. Pierre-Luc Pelletier qui va nous parler du CryptoLocker, un virus très en vogue ces temps-ci. Et on a fait aussi un petit dérapage sur le Bitcoin, donc une monnaie virtuelle. Pierre-Luc et moi, on va vous en parler dans cette chronique préenregistrée. Et on va avoir Julien Materne un peu plus tard dans l'émission qui s'en vient, qui va venir nous parler comic book. Et on va vous parler, bien évidemment, d'Assassin's Creed 4 et de nouvelles ludiques. On vous rappelle rapidement, en début d'émission, que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Pour écouter toutes nos anciennes émissions, vous vous y rendez. Vous écoutez aussi plein de chroniques qu'on avait fait aussi, qui n'ont pas été diffusées en ondes, et plein d'autres entrevues qu'on a déjà faites. Sinon, vous allez sur Facebook. Vous allez nous trouver très facilement en tapant Puissance Maximale dans la barre de recherche. Et vous allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Je le dis à chaque émission, mais c'est tellement vrai. Et profitez-en justement. J'ai même un dessin de tout le monde. Un dessin de avec un cœur. Ah, ben oui. À quel point je les aime. Oui, oui, on les aime. On vous aime, mesdames et messieurs. Puis profitez-en pour partager la page également de Puissance Maximale à tous vos amis geeks et même à ceux qui veulent découvrir l'univers geek parce que je pense qu'Andrew, on est quand même des assez bons vulgarisateurs et moi, j'ai fait découvrir les univers geeks à plein de gens autour de moi qui n'étaient pas des amateurs. Donc, si vous cherchez une bonne façon approche les univers geeks, ben partagez la page de Puissance Maximale. Et là, on a déjà Éric Lajeunesse là, qui est en train d'écouter l'émission de chez lui et qui nous écrit Xbox One Rules. C'est ce qu'on verra, Éric, lors de cette rencontre. Ouais, mais tu sais, Éric défend beaucoup sa paroisse, même si on y sort des arguments. Non, mais Éric, il l'a dit de toute façon qu'il est de mauvaise foi. Il la voit en onde, donc il assume, c'est correct. Et donc, j'ai tout dit de quoi on va parler. J'ai parlé avec Andrew. Donc, qu'est-ce qui arrive après ça, mesdames et messieurs? De la musique! Eh oui, on va parler musique. Mais là, il y a du monde, ça, je voulais dire, il y a du monde en studio. Il y a Marc-Camille qui est là, comme depuis quelques semaines. Bonjour, Marc-Camille. Salut, salut. Puis là, on a quelqu'un là qui est plus loin, là, monsieur Alex Carignan, qui est un grand fan de l'émission. qui est passé aujourd'hui. On l'accueille en studio. Là, je vais dire salut pour lui. Ouais, parce que là, il est loin de micro. Là. Bon, bonjour Alex et bienvenue dans les studios de CJMD à puissance maximale. Et on va aller en musique, Monsieur Castegan, et on va commencer cette super émission avec un groupe qu'on aime beaucoup. Et des publicités. Et des publicités, parce qu'ils font... Il y en a des publicités. Il faut en mettre. On est assez content qu'il y en aille. On va les mettre certains. Mais après les publicités, vous allez entendre une excellente chanson du groupe Irish Moutarde qui s'appelle The Wearing of the Green. Vous entendez... Je viens de voir un œil là, dans le trou de porte là, du studio. Je soupçonne un certain Julien Materne qui attend derrière la porte. Donc, on vous envoie The Wearing of the Green de Irish Moutarde. Et après ça, ça va être Pierre-Luc Pelletier et sa chronique sécurité. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Le secteur 51 est présenté par Batterie Expert. Wow! T'as-tu vu à la place, toi? En effet, c'est mon petit coin de paradis. Équipé à l'énergie solaire en plus? Oui, monsieur, je me suis équipé chez Batterie Expert. Les montures, les panneaux, les connecteurs, les régulateurs, tout vient de là. Tu peux même t'installer une éolienne si tu veux. Complet, rapide, efficace et compétitif. Batterie Expert, nouvelle adresse, le 3810 Boulevard de la Rive-Sud à Lévis. 418-833-2222. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Wake up! Vous aimez ça? Ben, en voulons encore. Qu'on était bien de voir au monticule. Chic, chic, chic, chic, stop. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. Les calvés, ça les brille. Je t'ai rassemblé sur le sperminter. On profite du content chaque soir au sort. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage et mon métier. Je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein? CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. Marcus et Alex, les deux snooze. Hey Joe, c'est quoi ça, les deux snooze? Deux snooze, c'est deux gars qui font de l'humour, sont excellents dans ce qu'ils font. Non, ils font pas de l'humour, ils font du divertissement. Font-tu de l'humour? Ah non, on fait du limit talk, c'est du talk, là. Semi-écrit, puis penchant vers le drôle. On va falloir checker ça. OK, c'est quand ça, les deux snooze? C'est à 10h le soir, puis ne pas décrocher à 10h le soir, c'est dur, mais les autres réussissent à nous faire rester. Les deux snooze. Jeudi, 22h à minuit. For the wearing of the green, for the wearing of the green. They're hailing men and women for the wearing of the green. For the wearing of the green, for the wearing of the green. They're hailing men and women for the wearing of the green. Oh, funny dear, and did you hear the news that's going round? The shamrock is by law forbid to grow on Irish ground. St. Patrick's Day no more, we keep his color can be seen. For the hanging men and women for the wearing of the green. I met with Labertani and he took me by the hand. He said, oh, they are Ireland. The colour we must wear is England's cruel red. Sure, Ireland's sons will not forget the blood that they have shed. You may take the shamrock from your head and cast it down the sod. But with the court and courage, they're full of the foot that's drawn. My father loves his country and his sweet rum in his bread. But I have one day died for her, but never fully be blessed. Most days we mourn shamefully and be the day happy. But we have proved the traitors for the wearing of the green. For the wearing of the green, for the wearing of the green. Wearing of the green. this is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps de parler sécurité informatique encore, et on va parler avec M. Pierre-Luc Pelletier, notre expert qui est dans les vieux pays, en fait, qui est en France, je le rappelle à tout le monde. Et en plus, il sort tout juste d'un excellent show du groupe Amon Amarth. Comment ça va, Pierre-Luc? Ça va très bien, toi, Michael. Ben oui, juste pour prouver aux gens et aux auditeurs à quel point tu es un gars professionnel, malgré le fait que présentement en France, il est 1h moins 8 du matin. Ouais. Tu es fidèle au poste pour ta chronique, en fait, et après un excellent spectacle. Et là, tu vas nous parler d'un type de virus particulier aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est une tendance. Là. On parle de... En anglais, c'est du ransomware. Je connais pas de traduction vraiment bonne. On pourrait dire comme un logiciel... Un rançon-giciel. J'ai déjà vu ce mot-là, mais bon. Okay, je trouve ça un peu bizarre. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'est un virus, en fait, qui va chiffrer le disque dur d'un ordinateur pour, le prendre en otage, carrément. Puis le but, c'est de demander une rançon. Dans ce cas-là, on parle d'un virus qui s'appelle CryptoLocker, qui demande une rançon là qui va entre 100 et 300 dollars US. Fait que c'est quand même de l'argent. OK, c'est qu'on a un virus qui arrive sur notre ordinateur qui va crypter, encoder finalement d'une façon bien précise là, le contenu de notre disque dur. Puis les gens qui nous ont envoyé ça disent si tu veux récupérer tes données maintenant, envoie-nous de l'argent, sinon c'est fini. C'est ça. La plupart du temps, ils donnent justement le remède là si on veut là, donc ils déchiffrent votre disque dur une fois que vous avez payé, mais c'est pas garanti non plus. Il y a eu des cas où des gens ont payé puis ils n'ont pas eu leurs données. Ils n'ont pas réussi à redéchiffrer leurs données. Disons que ça peut moi je pourrais dire ça. Faut pas s'attendre à grand chose non plus de gens sans scrupules comme ça. C'est ça, ça reste des criminels là, en même temps. Donc c'est quoi le principe? Comment on reçoit ça, ce virus-là? J'imagine là, que les courriels peuvent avoir un rôle à jouer. Exactement, ça rentre par mail, donc ça rentre par courriel, puis ça apparaît la plupart du temps comme un mail très légitime là, d'une banque ou quelque chose du genre, et avec un document qu'il faut ouvrir. C'est quelque chose qui change, hein, bien sûr, parce que ce serait trop facile à détecter puis à bloquer si c'était toujours le même virus puis le même comportement, même mail. De toute façon, on rappelle aux gens que les courriels de banque qui vous demandent l'information, à la base, on touche pas à ça. Exactement. Puis tout ce qui est pièce jointe aussi, envoyé par une banque comme ça, ou si vous n'êtes pas certain, de toute façon, vous appelez votre banque, vous appelez qu'est-ce que ce soit qui semble vous envoyer ce fichier-là. Question de pouvoir les informer en même temps que ce genre de courrier-là est en circulation. C'est ça. Si eux sont pas au courant, ça va leur faire plaisir que vous les informiez, parce que après eux, ça leur permet peut-être de mettre sur leur site web un message qui explique que oui, il y a un virus qui essaie de se faire passer pour eux autres. Donc c'est vraiment important. Donc là, c'est comment ça fonctionne, ce chiffrement-là de notre cet encodage-là de notre disque dur? Ouais, ben là, en fait, c'est assez compliqué. J'espère que t'es concentré, Michael. Donc, en fait, ça utilise un algorithme de chiffrement qui s'appelle RSA. Donc, dans ce cas-là, particulièrement, c'est RSA 2048 bits. Donc, ça fait beaucoup de... Comment dire, c'est la longueur de la clé, hein, 2048 bits. Donc, il y a des RSA 256, 512 bits. 2048, hein, c'est une bonne longueur, ça, ça commence, de clé? Ouais, c'est ça. C'est le niveau où, là, faudrait vraiment se lever de bonne heure pour réussir à chiffrer, à craquer, justement, le chiffrement sans avoir la clé, justement, qui servirait à déchiffrer correctement. Donc, on essaye toutes les clés jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne. Puis 248 bits, c'est 2048 bits, c'est 2048 0 ou 1. Donc, ça fait beaucoup de combinaisons. Hein. C'est deux exposants 2048. Fait que ça fait un gros chiffre. Et là, c'est... Je suis en train de regarder en même temps parce qu'on se parle hors d'onde là habituellement avant de commencer ces chroniques-là. Puis là, tu me disais que c'est pas la même clé de chiffrement qui va être utilisée pour déchiffrer tout ça? Ouais, ben en fait, c'est ça. Le RSA, c'est un algorithme de chiffrement qu'on appelle asymétrique. Okay. Fait que ce que ça veut dire, c'est que on a deux clés. En fait, on n'a pas juste une clé seule. La clé seule, c'est le chiffrement symétrique. C'est-à-dire que c'est le principe où on a une clé puis une serrure. À partir du moment où on a la clé, on peut verrouiller puis déverrouiller. Okay. Donc, le but, c'est juste que personne d'autre ait la clé pour avoir accès aux données, si on veut, qu'on essaie de protéger. Dans ce cas-là, il y a donc une paire de clés et il y a un procédé mathématique là qui est un peu compliqué là, puis que je passerai pas j'expliquerai pas ça dans le détail là. mais donc on a une paire de clés qui donc on chiffre avec une clé et on déchiffre avec l'autre et ça marche dans les deux sens. J'essaie de m'imaginer ça. Là. Ouais, c'est un peu. Ouais, ça fait un peu des nœuds dans le cerveau au début. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça te permet justement d'avoir une clé qui est toujours publique. C'est-à-dire, ben justement, on appelle ça une clé publique. Donc, ta clé, tout le monde la connaît, la clé publique. Et tout le monde l'utilise pour te parler à toi. Donc après, toi, t'es tout seul à avoir la clé privée, donc. Et t'es tout seul à pouvoir déchiffrer ce que les autres chiffrent avec ta clé qui est public, donc qui connaît tout le monde. Donc okay. Ça, c'est vraiment l'application de base là, du chiffrement asymétrique. Et ben c'est carrément ce qu'ont utilisé les gens qui ont fait CryptoLocker. C'est ça qu'ils ont utilisé pour chiffrer les disques durs des victimes. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est que même si la clé publique, pendant un certain moment, elle va se retrouver en mémoire, elle va être utilisée justement pour chiffrer le disque, on n'a aucune idée, on n'a aucun moyen de savoir la clé privée, puisque c'est fait pour ça. Le RSA est vraiment fait pour ça. L'algorithme de chiffrement est fait pour qu'à partir de la clé publique et des données chiffrées, on puisse pas revenir ni vers les données claires, ni vers la clé privée. Donc, c'est ça, on peut pas trouver un logiciel sur Internet qui va nous permettre de trouver cette fameuse clé privée-là en analysant la clé publique. Là. Non, c'est ça. À moins d'engager la NSA pour qu'elle fasse chauffer ses serveurs de calcul. De calcul puis de cassage de clés, ça va être bien compliqué. Puis même en 2048 bits, ça va être très long aussi. Mais là, on a-tu justement des cas connus des victimes de ce crypto-locker-là? Ouais, carrément. Ben, c'est un peu drôle d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de police, en fait, d'organisations de policières qui ont justement publicisé le fait que ce virus-là existe, faire attention, tout ça, aux mails que vous recevez. Mais il y a carrément un département de police du Massachusetts qui s'est fait infecter. Donc, il a fait le même message, justement, de faire attention et tout, mais ils ont été obligés, justement, de payer pour retrouver des données, parce que c'était des données sensibles, a priori. Donc, ils ont préféré payer et ils ont retrouvé leurs données. Mais ouais, ça, c'est un peu... On imagine le genre de données qu'on peut retrouver là, sur des disques durs de groupes policiers. Là. Ouais, c'est des données personnelles. C'est des gens qui ont passé par là, qui se sont fait arrêter ou qui sont victimes de quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas perdre cette information-là. Heureusement, en fait, ils n'ont pas tendance à voler de données. En fait, ils font juste les chiffrer sur le disque, mais ils ne sont pas intéressés de l'avoir eux. Okay. Donc, ils ne volent pas de données de ce côté-là. Donc, ça, c'est moins. Au moins. C'est moins pire, ouais. Mais là, j'imagine qu'il doit une façon, disons, qu'on paye, il doit une façon de retracer ces gens-là si on les paye via Internet pour pouvoir justement les arrêter après? Ben, en fait, justement, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour ne pas être retracés. Hein. Donc, en fait, la façon que ça se passe, c'est sûr que si c'était un numéro de carte de crédit, puis on paye directement sur un site web, ça serait trop facile. Il y a une technologie. En fait, c'est une monnaie, hein, une monnaie virtuelle qui est sur Internet qui s'appelle Bitcoin, en fait. Oui. Bitcoin, il y en a d'autres aussi, hein. Mais Bitcoin, c'est pas mal la plus populaire. Puis donc les gens utilisent Bitcoin pour justement faire des paiements de manière la plus anonyme possible. C'est impossible de savoir qui a combien de Bitcoin. C'est vraiment fait pour ça. Puis ça aussi, ça c'est basé sur le même principe de crypto, okay. Donc de crypto asymétrique. Et puis, ben là, en fait, c'est un peu compliqué là, la façon dont les bitcoins fonctionnent, là, puis qui sont créés. Ça utilise, en fait, il y a des gens qui ont des super ordinateurs chez eux, puis ils créent des bitcoins. Mais bon, c'est un peu... c'est plus compliqué que ça, là. J'avais déjà entendu un reportage, moi, disant que cette monnaie-là virtuelle, qui est reconnue, d'ailleurs, là, qui est de plus en plus... Ouais, utilisée. De plus en plus. Ben, ça dépend des pays, ouais. Des fois, soit ils sont bien contents, ben, en fait, ils essaient d'intégrer ça à la monnaie normale, soit ben ils essaient d'interdire ça, mais là c'est un peu compliqué justement de par la nature mais du Bitcoin. Justement, dans le reportage que j'avais vu, c'était à Radio-Canada, on disait que le Bitcoin, il y avait une quantité limitée qui avait été produite au niveau virtuel pour pas que ça fluctue, parce que le Bitcoin finalement ne change pas, normalement ne change pas de valeur comme le dollar américain, la monnaie chinoise ou la nôtre là, au Canada. Ouais, c'est ça. Il en crée un peu quand même. C'est-à-dire que c'est prévu que dans le temps, ils vont s'en créer tant. Donc, il y a vraiment un maximum à atteindre. Puis, jusqu'à ce qu'on arrive à ce maximum-là, ça monte, mais très tranquillement, justement, par la force des superordinateurs qui vont calculer le prochain Bitcoin. C'est ça, parce qu'on va pas produire de Bitcoin, finalement, pour essayer d'amortir la chute d'une monnaie. Ça va rester stable et régulier, l'évolution, en tout cas dans le nombre de bitcoins d'affaires. Mais là, ouais, c'est ça. Puis le challenge justement de créer un bitcoin, c'est d'autant plus compliqué que, en fait, plus ça va, plus c'est compliqué, puis plus ça donne rien, en fait. Donc c'est vraiment en fonction de justement l'avancée des ordinateurs puis de la force de calcul des processeurs, ben eux, ils ont prévu ça dans leur crypto. Mais j'ai une question par rapport à ça, Pierre-Luc. D'après toi, là, l'utilisation, cette façon d'utiliser cette monnaie virtuelle-là, cette façon très anonyme, penses-tu que justement les gouvernements et tout ce qui est associations économiques, regroupements économiques dans le monde pourraient s'attaquer à cet anonymat-là justement pour des raisons de sécurité? Oui, oui, carrément. Ben, c'est-à-dire que c'est à double tranchant, dans le sens que justement, c'est anonyme, donc tout le monde fait ce qu'il veut, mais justement, c'est anonyme, donc il y a des gens qui vont en profiter. Et les mafias, tout ça, c'est sûr qu'ils ont vu une monnaie d'échange, justement, qui est dont la crypto a été prouvée, tu sais. Une façon facile de blanchir de l'argent. Exactement. Donc ça fait c'est ça qui fait que le Bitcoin, en fait, si on veut, le cours du Bitcoin est devenu très haut très vite. Puis justement, en fait, il y a un site web qui s'appelle Silk Road, qui est un site web qui cherchait à vendre un peu n'importe quoi, de la drogue, des armes, tout ce qui est illégal, en fait. Et en fait, quand finalement la personne qui gérait ce site-là s'est fait arrêter, immédiatement le Bitcoin a chuté, il y a vraiment eu un crash là. Donc c'est vraiment, on voit que c'est utilisé aussi par les criminels en tout genre pour régler leur facture, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ben, ouais. On va après cette parenthèse sur le Bitcoin, on va revenir aux crypto locales. Comment on fait, Pierre-Luc, nous pauvres mortels, pour nous parer contre ce genre d'attaque? Ouais, ben c'est certain que, comme on disait par rapport à la messagerie, ça rentre par la messagerie traditionnellement. Donc faites attention à ce qui rentre dans votre boîte mail. Hein. Soyez vigilant à la base. Ouais, donc ça c'est toujours vrai. Regardez, en fait, assurez-vous que ce qui vous est envoyé vient vraiment de, par exemple, la banque ou l'organisme qui a un logo dans le mail que vous recevez. Là. C'est pas parce qu'il y a un logo de telle banque que ça vient nécessairement de la banque. Là. Ouais. Donc ça c'est la première des choses. Bien sûr, avoir un antivirus sur votre machine, hein, c'est vraiment là on parle de la base. Là. Avoir un antivirus chez vous, sur votre ou vos machines, parce que de plus en plus, il y a un laptop, il y a même des tablettes, il y a toujours un ordinateur desktop normal. Donc il faut les protéger, tout ça. Là. Donc ça, c'est vraiment à la base. Sinon, les entreprises ont un petit peu plus de d'outils. En fait, il y a un outil gratuit qui s'appelle CryptoLocker Prevention Kit, qui, lui, justement, en fait, s'intègre dans un domaine Windows pour justement s'assurer que ça n'arrive pas dans votre domaine. Sinon, chez vous, Vous avez un autre outil qui s'appelle Crypto Prevent, okay. Donc, qui est aussi gratuit, téléchargeable. C'est pas très compliqué à utiliser, mais ça vous aide justement là, s'il y a quelque chose qui arrive sur votre machine, au moins vous êtes protégé. Excellent. Donc, ouais, donc c'est vraiment sinon c'est vraiment la base donc de faire attention pour pas se faire infecter par n'importe quoi, hein. Donc après c'est un virus comme les autres qui rentre puis qui dans ce cas-là va faire du chiffrement, mais il pourrait faire n'importe quoi, prendre contrôle de votre machine, communiquer avec le hacker, ensuite le hacker a le contrôle de votre machine. Le but c'est vraiment adopter des comportements qui vont faire qu'il y a le moins possible de virus qui vont rentrer. Après, on est toujours on n'est jamais à l'abri qu'un virus exploite carrément une vulnérabilité sur votre machine et rentre sans aucune intervention de votre part. Mais bon, au moins vous aurez un antivirus sur votre machine, puis on espère qu'il va détecter l'entrée de ce virus-là. Donc, encore une fois, Pierre-Luc, on pourra résumer un peu la façon de se protéger face à tout ça. C'est le mot vigilance. Exactement. C'est faut pas toujours croire ce qu'on voit. Faut pas cliquer partout. Puis c'est encore plus vrai dans tout ce qui rentre dans votre boîte mail. C'est sûr qu'il y a des mécanismes qui sont intégrés par les grands fournisseurs de mails ou de mails sur Internet là. Comme Yahoo, Hotmail, Google, tout ça. Ça a des failles. Ça a des failles. Il y a toujours quelques mails qui passent entre les mailles du filet. Et voilà. Hey, écoute, c'est déjà terminé, Pierre-Luc. Je te remercie beaucoup pour cette passionnante chronique, encore une fois, qui parlait du crypto-locker et aussi du Bitcoin. On en a parlé rapidement également. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, ça fait plaisir, Michael. Alors, on va s'écouter, en fait, se parler le mois prochain pour une autre chronique. Et ça sera déjà le mois de décembre, la dernière chronique de l'année. Exact. Bon, on sera prêt. Excellent. Au revoir, Pierre-Luc. OK, bye. CJMD 96.9 FM. So Eh oui, on est de retour à puissance maximale, pas d'indicatif. Oui. Ah, mais c'est normal! Je suis normal amour, et puis vous écoutez puissance maximale. Mon petit merci, Normand. Merci, Andrew, pour faire l'épisode. Les micros sont ouverts pour mettre de l'indicatif. Bon, ils sont toujours ouverts pour l'indicatif, monsieur mon Michaud. Mon cellulaire est présentement fermé, je vous le confirme. Et après, Normand, et après cette chanson là, dont le titre m'échappe complètement, Bring Me to Life d'Evanescence, c'est après Irish Moutarde, puis après Pierre-Luc, ben on va parler de PS4, mesdames et messieurs. Et oui, on a eu la chance de critiquer, en fait, on va critiquer, on a eu la chance de tester cette nouvelle console de la nouvelle génération. Et c'est pas mal la première fois qu'on va faire ça, Andrew, depuis qu'on est à la puissance maximale, parce que nous autres, on joue avec... Les gars, vous comptez pas la Wii U, là? Ah ouais. OK, on va dire la génération nouvelle .5. Presque, mais... Presque, mais c'est vrai qu'on avait, fait une chronique... Une critique sur la Wii U, mais... Bon, en tout cas, c'est selon moi, comme tu dis, c'est comme une demi-génération, cette affaire-là. Mais nous sommes... Chimère. C'est une chimère. Ce que la Wii aurait dû être. Cette illusion. Mais, ouais, genre... Mais, maintenant, on va parler de PS4 avec Andrew Castegan. On a eu la chance de tester ça vendredi passé. Je suis dans mon Royal 2,5. Et là, on va commencer tout de suite. Je vais te laisser aller, Andrew, là-dessus. Pour commencer, quelles ont été tes impressions? J'essaie d'enligner mes mots là-dessus. En fait, je vous dirais que c'est une belle machine. Je parle pas physiquement, là, je parle... Physiquement... Le design est ordinaire. Au moins, ça part d'un VHS. Le design est ordinaire, il est noir. C'est un parallélogramme. Ouais, genre. Non, mais c'est l'aspect. En même temps, tu veux t'aider, ça a l'air de quoi une Christie de console? Tu dirais carré et oblique. Mais non, mais il me semble on est rendu à un air où on est blasé de la console rectangulaire. Faites un rond. On sent un sac. Non, mais on là. On veut un Tumatron 2000. Non, moi personnellement. On veut un Mégatron. J'en ai absolument. Hey, d'ailleurs, la console se transforme. On salue Materne qui est rentré là, pendant toutes ces pauses musicales. C'était lui, l'œil. Ouais, l'œil de la porte. Ouais, mais c'est ça, on sent un sac du design à la base. Ah, OK, non, pas rond, genre mauve avec des picots, là. Ça, vous voyez ce que je veux dire, là. Au niveau où la PS4 est, là, on s'entend qu'il y a des affaires plus dérangeantes que ça dans la vie, là. Non, ben, tu sais, c'est juste parce qu'en fait, je vous dirais, c'est l'élément qui me dérange dans le design qu'on fait, c'est pour les connecteurs en arrière de la console. Ah. C'est à cause que les connecteurs sont à travers des genres de trous d'aérodynamisme. Et je vous dirais que quand vous êtes dans une circonstance où vous pouvez pas avoir facilement accès à l'arrière de votre console, exemple, un gros meuble de TV vraiment chiant. Ça peut être un peu tannant. C'est pas juste un peu, c'est très tannant. Non, mais de toute façon, t'as pas besoin de débrancher tes périphériques 20 000 fois, Andrew. Oui. Non. Oui. Pas les gens normaux, Andrew. Mais mettons, tu t'en vas à ton chalet, là, à peu près. T'amènes un livre, puis tu laisses ta console-là. Une canne à pêche, au pire. Non, c'est ça. Mais t'amènes la PlayStation Move, là. Ton gun! Non, c'est ça, amène ton fusil de chasse. Mais bref, non, c'est une très belle machine. J'ai pas eu l'occasion de vraiment voir un jeu next-gen dessus, parce que j'ai juste pu essayer, dans le fond, Assassin's Creed 4. Et des jeux qui sont gratuits sur le PlayStation Store. Donc, on s'entend-tu, jeu gratuit n'égale pas forcément jeu à la fine pointe graphique au niveau, là, dans le fond, là, du jeu. Mais déjà avec Assassin's Creed 4... En fait, c'est ça l'affaire que je vais dire. C'est la grosse différence notable que j'ai vue au niveau de la console. Je sais pas si vous vous rappelez, à chaque fois que j'ai parlé d'un jeu au niveau de la PlayStation 3, je faisais un comparatif avec la Xbox 360, j'enlevais pas le détail que la PS3 était capable de donner, mais la grosse lacune que la PS3 avait, c'est qu'elle n'avait pas d'anti-aliasing. Définition de anti-aliasing, nuage de pixels qui fait en sorte que ça réduit la distance de vision ou le détail pour... permettre à la console de charger ses graphiques plus vite. Mais d'un certain point de vue, la PS3 avait plus de détails. Factrice, c'était moins pire, mais ça faisait comme un genre de petit brouillard de pixels dans certains jeux. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait certains jeux sur la PS3 qui faisaient en sorte que les graphiques étaient plus beaux sur la Xbox 360, malgré le niveau de détails plus élevé sur la PS3. Au niveau de la PS4, on parle d'une console qui a vraiment l'anti-aliasing dans le piton, si vous me permettez. Donc, si on voit Assassin's Creed 4, les graphiques est un peu mieux que qu'est-ce qu'on a sur le PlayStation 3. Moi, je veux juste noter que c'est au niveau des textures. C'est très liché. Ouais, j'ai vraiment été impressionné. C'est ça, c'est d'où l'anti-aliasing. Ouais, c'est ça. Je pourrais rentrer dans un terme, un jargon technique. Je vais le faire pour les gens ici. Au lieu d'avoir un anti-aliasing de 2X ou 4X, qui est dans le fond des fois, on doit avoir probablement un anti-aliasing QX4A. Même moi, je comprends rien. Mon cerveau vient de fondre. Les gens qui sont gamers PC, normalement, viennent de comprendre à peu près ce que je viens de dire. Ben moi, je comprends pas. Je suis gamer PC. Moi, tout ce que je fais, c'est tout mettre à Ultra dans le tapis sur mon PC. Ouais, mais c'est ça. Dans l'aliasing, ces termes techniques-là, il y en a de moins en moins de jeux qui les utilisent. Je me demande pourquoi. Ben, c'est parce que on n'a pas besoin de gosser sur la console. On joue sur PC. On peut faire le choix de baisser l'anti-aliasing pour... tu as plus de façons de personnaliser ta performance de machine puis la performance de ton jeu face à ta machine. Là, console, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, texture plus léchée, un niveau de détail plus élevé au niveau des graphiques et un anti-aliasing qui est dans le pré-lard qui fait en sorte que si vous essayez de trouver des nuages de pixels dans votre jeu, ben bonne chance. Et là, Andrew, la manette. Moi, personnellement, là, sans farce, là, je suis charmé. Autant j'ai pu cracher sur la DualShock 3 en disant « Jamais je vais jouer un jeu de tir avec ça parce que c'est pas contrôlable, puis tatati, les joysticks sont plus trop collés, tout ça. » Mais crime, la première chose, avant même d'allumer la console, j'ai pris la manette dans mes mains, puis j'ai fait « Crime, je jouerai un jeu de tir avec ça. » Ouais, ben, il faut dire qu'avec le pavé tactile... La manette est un peu plus large. Oui, la manette est plus large, donc les joysticks sont éloignés. Et les joysticks, ils sont concaves maintenant. Ils sont plus convexes sur le dessus. Ce qui fait que dérapant de la manette. L'anti-dérapant de la manette est pas mal plus efficace. Donc, sans farce, en testant justement avec Assassin's Creed, puis ça, c'est pas mal la franchise de jeu qui m'a fait le plus sacré avec ces joysticks-là. Sur la PS3. Avec la 4 sans farce, on a vraiment un bon contrôle. J'ai vraiment été agréablement surpris. La seule chose, c'est que je sais que dans Assassin's Creed 4, il y a des bouts où on peut utiliser le touchpad, justement, le pavé tactile. Et ça manque un peu de précision. Mais j'ai l'impression que le problème avec le pavé tactile, c'est qu'il est un peu trop petit. Fait que dans le cas où on doit naviguer dans une carte, justement, ben on n'a pas beaucoup d'espace pour faire déplier son doigt ou encore faire le fameux geste de pincement pour zoomer et dézoomer. Mais si je peux me permettre là-dessus, il ne faut pas oublier que Ubisoft avait dit qu'il ne changerait pas beaucoup le jeu par rapport à la version PS3 sur le fait qu'il voulait juste le rendre plus liché puis ajouter quelques fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité pavé tactile sur Assassin's Creed 4 n'est pas nécessairement... Moi, en fait, c'est plus un bonus que développé pour, donc il ne pose pas la machine. Non, mais c'est ça, mais ça, d'un point de vue utilisation, c'est vraiment l'impression qu'elle m'a laissé, que le pavé est peut-être un peu trop petit pour une gestion de carte. Mais d'ailleurs, PlayStation a sorti leur application mobile pour les téléphones Android qui permet justement d'utiliser son téléphone comme le pavé tactile de manette. J'ai fait la vérification et on peut faire la même chose avec la PS Vita. Fait que ça vient compenser dans le cas où on a un pavé tactile trop petit et qu'on trouve qu'il ne répond pas assez bien. Et autre truc, il y a le côté... on avait le terme tantôt, hors d'onde, là, ça ne me revient pas, mais de pouvoir jouer avec sa Vita. Oui, avec la PlayStation 4. Le remote play. C'est ça. Et sérieusement, là, c'était supposé être de même à l'époque de la PSP puis de la PS3, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu le jour, et je suis content, très satisfait du rendement que le remote play offre avec la PS Vita et la PS4. D'ailleurs, j'ai même montré la fonction à Julien. Sérieusement, à part que l'écran est plus petit, c'est sûr que ça n'a pas la même résolution qu'un téléviseur Full HD, genre de 42 pouces. Là, c'est un écran de console portable, mais au niveau des graphiques, c'est quasi identique. Puis on n'a quasiment aucune latence aux unités de délai de réponse, dans le fond, entre le moment où on appuie les touches et qu'est-ce qui se passe à l'écran. J'ai été agréablement surpris. Seule lacune, ben c'est pas une lacune en fait, c'est une question d'habitude, c'est que la PS Vita n'a pas deux gâchettes et les joysticks ne sont pas cliquables. Fait que dans le fond, la gâchette L1 et R1, c'est le pavé arrière de la console, parce que la Vita a un pavé tactile en arrière. La L2, R2, c'est les gâchettes du haut. Et le L3, R3, c'est les coins des écrans tactiles. OK. Ça fait que je trouve que c'est pas ça, tout à fait... Faut s'adapter. Là. C'est ça, c'est pas intuitif. Je dirais, j'ai commencé à jouer, puis je me mélangeais souvent entre c'est quoi le R2, le L3, puis tout ça. Moi, j'aurais mis personnellement L1, R1 sur les gâchettes du haut, puis R2 L2R2 sur le pavé tactile, là, parce que c'est le réflexe du 2 qui est en dessous. Non, c'est ça. Les écrans tactiles, ben, c'est surtout d'aller les chercher avec le pouce. Puis tu sais, ça, c'est l'affaire que je trouve un peu plate, c'est du fait qu'on a besoin de faire ça. Le monde va dire ouais, mais tu cliquais avec tes pouces, mais justement, c'était à la même place. Là, il faut que je lâche mes joysticks pour pouvoir aller appuyer. Ben, je trouve qu'il y a une légère perte de contrôle à ce niveau-là et ça se fait ressentir dans les batailles navales, justement. Là. On utilise beaucoup ces boutons-là. C'est ça, que la PS Vita est comme pas optimisé pour ça là, à ce niveau-là. Puis je dirais que c'est pas tous les jeux non plus qui se portent bien au Remote Play, comme j'ai essayé Flower, qui a une version PS4 où ça utilise uniquement la touche X et l'inclinaison de la manette. Et il faut tenir la manette à la position où les joysticks pointent vers le haut. Mais dans le cas de la PS Vita, ben si on fait ça, on voit pas l'écran. Fait qu'il faut la tenir debout. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le gyrosenseur aussi est beaucoup moins précis dans la PS Vita que la manette. Fait que, il y a des jeux finalement qui sont plus ou moins bien adaptés avec la PS Vita. C'est ça, exactement. Je voulais te demander, Andrew, je vais finir par le dire. T'as pensé quoi? Bon, voilà, on va recommencer. T'as pensé quoi du logiciel d'opération de la console? Moi, on l'a testé, je te regardais aller. Ça a l'air bien, ça a l'air de couler, ça a l'air d'être pas mal moins long que la PS3. Ouais, ben ça roule très bien, je dirais, en frais d'application. La seule chose que j'ai été un peu déçu versus qu'est-ce que Sony avait annoncé, c'est peut-être parce que c'est le hype, l'impression qu'on se faisait, parce que je relisais par la suite, et non, effectivement, ils ont annoncé ça d'une certaine façon, puis je pense qu'on a comme trop interprété vers la hausse, dans le fond, le propos, c'est que les installations des jeux se font, dans le fond, pendant que tu peux commencer à jouer, comme quand on a mis Assassin's Creed 4 dans la PS4, il a commencé à s'installer, on a eu un petit moment, on avait des bugs de son pendant qu'on jouait, puis des petits lags, mais on était capable de jouer en même temps que le jeu s'installait. Et tu sais, c'était vraiment à partir de zéro. Là, en même temps, je pense qu'il y a en plus, dans notre cas ici, je pense qu'il y avait une update de système là, qui se faisait en même temps. Non, ben elle se téléchargeait, mais elle s'était pas installée. C'est ça. Mais justement, l'affaire que j'ai été un peu déçu, c'est que dans ma tête, la mise à jour du système du PS3 se ferait en même temps qu'on jouerait. Et quand j'ai fait ma mise à jour vers la version 1.50 pour tester justement cet élément-là pour voir si ça marchait avec une installation en background. Qu'est-ce qui arrivait, dans le fond, c'est qu'on n'était pas capable de jouer pendant qu'il faisait la mise à jour. Donc, la mise à jour du Play 4 en lui-même empêche de jouer, mais si on met un jeu et que le jeu, lui, a une installation et une mise à jour, là, on peut jouer. Fait que, dans le fond, c'est vraiment au niveau du jeu qu'on peut jouer et tout ça pendant qu'un update. C'est logique, en fait. C'est logique. Dans le fond, c'est qu'est-ce que Sony avait annoncé, si on suit au propos, mais la façon qu'on a beaucoup de monde à interpréter ça, c'est que même la mise à jour de la console se ferait de cette façon-là, qu'est-ce qui n'est pas le cas. Non, ça se peut pas. Mais c'est ça, c'est logique d'un certain point de vue. Là, on est en train de faire une update de notre Windows, on est en train de jouer à un jeu, puis l'ordi décide de redémarrer tout seul. Ça fonctionne pas, là. On peut pas faire l'update, on peut pas continuer à jouer parce qu'il faut qu'il y ait un reset là, à la limite. Là. Normalement, avec Windows, on n'est pas obligé de le faire tout de suite, mais vous comprenez le principe là, que ce que je veux expliquer. Ben, c'est ça, dans certains cas, il s'installe pareil, même quand on utilise l'ordinateur au niveau des mises à jour de Windows, mais il faut quand même un redémarrage à un moment donné. Si on veut que la mise à jour soit effective, il faut faire le redémarrage. Donc, la console, c'est la même chose. Moi, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que je sais pas, tu l'as-tu testé aussi avec des jeux en ligne quand tu downloadais le jeu, de starter le jeu puis d'y aller? Ben en fait, j'ai pas été en mesure de temps l'essayer en ligne par principe de limite de temps aussi. Mais d'un autre point de vue, parce que le système de PlayStation Network a été down pendant une bonne partie depuis le lancement. Ben, je voulais justement en venir là, des problèmes de lancement. Il y en a quand même quelques-uns qui sont sortis. Il y en a quand même quelques-uns qui ont sorti. Mais le PlayStation Network pour jouer en ligne a été down pendant toute la journée de lancement, dans le fond, du vendredi. Qui était sorti. Ça a été jusqu'au samedi où on a commencé à avoir une stabilité, puis c'était pas tout à fait là. Mais aussi en même temps, il faut savoir qu'il y a approximativement 1 million de PlayStation 4 qui ont tombé en ligne à peu près en même temps. Là, ouais. Fait que, mais Encore une fois, les compagnies ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir autant de joueurs en même temps sur mais un système. C'est pas tant la quantité de joueurs que... Ben en fait, veux-tu qu'on embarque dans les problèmes techniques ben au lancement? On va y aller. En fait, au niveau des problèmes techniques, premièrement, ben, on a un nouveau Red Ring of Death. Sauf que là, au lieu que ce soit du Red Ring, c'est le Blue Light of Death. Ouais. Il y a eu des consoles PlayStation 4 que... d'une façon aléatoire ou de bris matériel ou de corruption du système d'exploitation, ont décidé de tout simplement arrêter de démarrer, figer. Et y a la PlayStation 4, il faut savoir qu'il y a une genre de bande lumineuse sur le côté qui signale quand elle est allumée. Puis tout, d'ailleurs, on a fait tous les deux. Waouh! Ah, quand elle est allumée. C'est un beau look. C'est un petit look. Mais au lieu qu'elle fasse son petit effet de vague, dans le fond, tu es gradué au niveau d'intensité, ben, elle vient full pin allumée. Puis elle reste de même. Fait que ça fait en sorte que la console allume pas. Sony avait en fond proposé plusieurs solutions pour résoudre le problème sur leur forum, mais malheureusement, peu d'entre elles fonctionnent. Par contre, il y a eu une nouvelle qui est sortie par la suite. Sony, finalement, va s'engager à remplacer la totalité des consoles en bris matériel. J'espère bien. et ce n'est pas en se présentant au magasin quoi que ce soit, parce que vous en doutez bien, les magasins sont en rupture de stock. Et c'est vraiment faisant affaire avec Sony. Ce problème-là, je vous dirais qu'actuellement, atteint approximativement 0,4% du lot total de consoles qui a été vendu au lancement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est quand même des cas d'exception. Donc, c'est quand même pas si pire à ce niveau-là. Sinon, au niveau des problèmes, bien évidemment, il y a eu des problèmes avec la mise à jour, justement, 1.50, qui a emmené son lot de problèmes au niveau de la PlayStation 4, qui faisait en sorte que si des gens jouaient à Call of Duty ou Battlefield 4 ou tout jeu Activision ou EA, parce que je dis ça parce que finalement, Ubisoft n'ont pas eu ce problème-là avec Assassin's Creed 4, la console pouvait mener à des gels et arrêter tout simplement de fonctionner. Dans la console, la console pouvait démarrer, mais elle gelait quasiment automatiquement. Ça, dans le cas que vous êtes un auditeur de puissance maximale et que vous avez ce problème-là avec votre console, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un bris qui va vous obliger de vous priver de votre console et de la renvoyer chez Sony. Il faut tout simplement attendre la mise à jour et utiliser le mode de mise à jour USB. Donc, aller chercher le firmware sur leur site et suivre les instructions. Firmware qui devrait sortir prochainement pour régler la situation. Sinon, si vous n'avez pas de jeu d'Activision et de EA et que vous souhaitez quand même mettre à jour votre console pour pouvoir jouer en ligne et accéder au PlayStation Network, si vous avez juste un jeu Ubisoft ou des jeux PSN, vous pouvez faire la mise à jour sans crainte. Sinon, à part ça, il y a eu des problèmes avec les connecteurs optiques et HDMI sur certaines consoles qui faisaient en sorte que quand on branchait un câble HDMI, ça pouvait créer des problèmes au niveau de l'image, créer une surtension au niveau du signal et créer un bris matériel qui rentre dans le 0.4%. J'avais même lu des cas que il y avait aucune image, juste on branche puis that's it, c'est noir total. Que dans le fond le câble HDMI fonctionne pas là. Puis dans le fond, il y a le même symptôme qui s'est retrouvé avec la prise de câble optique, encore une fois en très faible niveau. Sinon, à part ça, ben, il y a les up and down du PSN, parce que chose à savoir, pour pouvoir vous connecter sur le PlayStation Network, ça vous prend absolument un abonnement PlayStation Plus. Parce que dans le fond, à cette heure, Sony demande de payer pour le service. En même temps, tous les avantages qu'ils donnaient avant, donc jeux gratuits et des spéciaux, ça va rester, ça disparaîtra pas. Et ce réseau-là, j'ai pas la confirmation, j'ai fait un peu de recherche, j'ai l'impression que c'est un réseau qui est à part du réseau gratuit du PlayStation 3 parce qu'ils ont été obligés de scinder, probablement, de couper dans le fond probablement les réseaux pour faire en sorte que le Play 3 puisse continuer d'avoir un mode en ligne gratuit versus le PS4. Et on dirait qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau du transfert, du store, des choses comme ça. Il y a eu des problèmes de transaction, des problèmes de coupure quand on joue en ligne et de non-disponibilité du service qui s'est stabilisé au fil du temps. Sony ont déclaré, dans le fond, que oui, il y a eu un problème de serveur au niveau là, de l'achalandage du monde au point de vue mondial. Mais en même temps, il y aurait eu des problèmes que, supposément, le firmware 1.50 aurait envoyé aussi sur le réseau. Donc, du fait que les consoles qui ont crashé auraient envoyé des paquets de données incroyables au PSN et que ça aurait fait en sorte que le serveur aurait aussi crashé. Dans le fond, dès qu'on allume la console, elle se connecte au PSN automatique. Fait que ça fait en sorte que si une console la s'allume, elle envoie la requête de connexion au PSN, puis elle crache là, ben elle envoie des demandes d'autorisation non, non-stop. Ça. Fait que dans le fond, il y a eu des serveurs qui se sont fait flouder carrément là, au niveau de PSN. Fait que ça aurait causé tous ces problèmes-là. Mais je vous dirais, avoir eu l'occasion à l'essayer une couple de fois de me connecter, tout ça, à date, ça semble être stabilisé à ce niveau-là. Il y avait Vincent Langlois aussi, notre ami Vincent, ancien membre de l'équipe, qui me dit, j'avais vu passer ça sur son Facebook, que les gens pouvaient pas se voir de PS3 à PS4 dans les contacts PlayStation Network. Donc, je sais pas si ça a été réglé ou si ça va rester comme ça, vu qu'on parle justement d'une infrastructure en ligne scindée en deux. Là. Ben moi, je vous confirme que pas plus tard qu'hier, j'ai été en mesure de me connecter avec mon compte PSN sur une PS4 et je voyais des gens de PS3 en ligne. Ah, excellent. Et il y avait possibilité de dialoguer avec eux. Good, ben c'est bon ça. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est rapide. C'est nos premières impressions pour la PS4. Comme je disais, on organise un gros let's play fermé, là, ce sera pas difficile sur Internet parce que c'est compliqué, mais avec Monsieur La Jeunesse, et lui il sera avec sa Xbox One, on va s'asseoir, on va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire une grosse critique de ces deux machines-là. On arrivera avec justement des tableaux comparatifs au niveau des statistiques matérielles de la machine, des machines et tout, on va faire quelque chose d'assez bien pour vous donner une idée pour ce qui s'en vient. Pour ces deux machines-là, puis en même temps, si ça va valoir la peine d'aller vous chercher ça pour les fêtes, pour offrir un cadeau ludique amis. En même temps, juste pour vous dire, ça semble qu'il n'y a pas des grandes quantités, mais à date, les magasins de jeux vidéo que j'ai eu des commentaires sur la PS4, il semblerait qu'ils sont capables d'en avoir assez régulièrement. C'est pas, pas des grosses quantités, là, mais t'es au moins à chaque semaine, la date. Le 1 million de ventes en 24 heures, c'est intéressant, c'est un beau chiffre, c'est des belles ventes, mais ouais, effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir de rupture de stock comme à l'époque de la Wii. Ça, quand c'était sorti, c'était l'enfer en magasin, essayer de trouver ça. Ben, c'est ça, t'es comme exemple, il y a eu le lancement la semaine passée, puis paraîtrait qu'une grande partie des magasins qui en ont reçu encore 4, 5, 6 consoles sans trop de difficultés. En plus, le prix de lancement, est quand même, ça a quand même pas mal d'allure. Là. 399,99. Ça a pas mal d'allure pour prix de lancement. Mais bon, moi, je continue à penser que acheter une console lors du lancement, c'est vraiment pas l'idéal, mais bon. Tu adhères à la philosophie de Brentel Floss. De Brentel Floss. Tout à fait. Mais je l'ai toujours pensé. Il faut toujours, selon moi, attendre soit le deuxième modèle, parce que Sony sont forts là-dessus. Là. Je vais comparer la PlayStation 3 avec le modèle qui est venu tout de suite après l'original, le Mammouth. Là. Mm. Mais tout de suite après, la version que j'ai, plus performante aussi, plus stable, chauffe moins. Donc, souvent, ça vaut la peine d'attendre, justement. Mais bon, on peut pas empêcher les geeks bien crinqués d'aller s'acheter ce genre de console. Ben, pas juste au niveau des jeux. Souvent, on va voir les premières générations de la première batch, des ports de la console d'avant. C'est lorsque les éditeurs ont fait « Hey, la nouvelle console sort bientôt. Portons notre jeu qu'on développe pour la version A vers la version B. » Fait que le jeu n'est pas seulement plus beau, et pas seulement adapté à la console encore parce qu'il a été fait pour la console d'avant, et pas seulement ne pousse pas la machine comme il devrait le pousser, souvent bug. Mais c'est normal au début là, de la carrière d'une console qu'on n'ait pas des jeux à plein potentiel. Mais c'est un des arguments pour ne pas acheter une console Pas tout de suite, mais il y a des bons jeux quand même qui sortent. Mais un des gros arguments pour la PS4, justement, c'est que l'architecture de la console va permettre aux développeurs de sortir des jeux plus rapidement et de façon plus efficace. Ça, c'est un des trucs qui est ressorti. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner vraiment au niveau des développeurs parce que c'est ça qui est intéressant. On entend parler de plus en plus les développeurs de jeux, de leur expérience, justement, de programmation de jeux, de conceptualisation de ces jeux-là, sur les différentes consoles. Ils se gênent pas pour dire, non, ça va être de la scrap. La console est même pas encore sortie au Japon. Donc, il peut y avoir encore d'autres évolutions de ce côté-là. Donc, soyez à l'affût, bref, consommateurs. Et pour la PS4, ce sera tout pour aujourd'hui, mais on va vous revenir à quelque chose de comparatif et de plus poussé d'ici quelques semaines, grâce à moi, M. Castegan et M. La Jeunesse. On va travailler là-dessus en sirotant quelques bières, bien évidemment, parce qu'on va être quand même avec Eric La Jeunesse. Donc, mesdames et messieurs, on va partir en pause. C'est déjà la fin de la première heure de Puissance Maximale. Et on va y aller avec une chanson du groupe The Adventures of Dwayne and Brando avec la chanson Mega Man 2. Bien évidemment, vous allez voir que c'est tiré de la trame sonore de Mega Man 2 avec différentes inspirations. Vous allez entendre ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD. 96.9. CJMD 96.9, la radio qui s'implique au cœur de sa communauté. Yeah. Mother. Nous sommes les Chicken Swell et vous écoutez la puissance maximale avec Andrew! Et oui, retour à puissance maximale avec Andrew! Ouais! Et avec aussi M. Julien Materne, avec qui on va jaser comic book. Salut, salut le monde! Et là, tu vas nous parler, de quoi cette semaine, M. Materne? Ça va être un peu hétéroclite, un peu de tout et de rien, je dirais. Je vais commencer par Aquaman, parce que oui, Aquaman est maintenant devenu cool. Grâce à Josh Jones qui avait écrit pendant point 10-11 ans les aventures de Green Lantern. Donc, ils ont DC il y a 2 ans, en repartant de New 52, a décidé de rendre Aquaman cool à nouveau. Ben, et moi, Aquaman, depuis que j'ai joué à Injustice, Gods Among Us, C'est comme, il arrache tout. Il est vraiment hot. Puis là, t'es en train de me dire qu'en plus, il est bon en version comics, oui, aussi. C'est drôle parce que le premier volume, là, on garde quand même l'humour, le running gag de Aquaman et le gars qui parle aux poissons. Mais on se rend compte ici que ses poids sont quand même très forts. C'est pas qu'on garde le running gag de ça, c'est qu'on tourne ça en autodérision. Ouais, c'est de l'autodérision carrément. Comme dans le premier volume, dans les premières cases, Aquaman va aider des policiers à arrêter des voleurs, puis ils sont là comme « Quoi, Aquaman hors de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu un verre d'eau, man? » Oh! Cassé, lui il va faire comme genre « Vous êtes des épais. » Vous êtes des épais. Et aussi, il va dans les restaurants se manger un fish and chip et la sœur dit « Ben non, tu mangeras pas ça, là. Pourquoi? Tu parles aux poissons. » »« Non, non, je contrôle les poissons. Je leur parle pas. Oh, mais c'est tes amis. » »« Non, non, je les contrôle. Je leur parle pas. » Donc, il finit par pas manger son fish and chips. Mais c'est sûr que... Du si bon fish and chips. C'est parce qu'il se fait écœurer par un blogueur. Qu'est-ce que c'est passé avec Aquaman? Qu'est-ce que c'est passé avec Mera? Mais tout ça pour dire qu'on risque quand même à placer les aventures quand même héroïques standards. On se rapproche beaucoup plus maintenant que la simouture-là, ce qui se faisait avec un peu de mythologie, un peu à la Wonder Woman. On se pète avec la mythologie de l'Atlantis, Aquaman qui est le roi, comme dit le descendant direct des rois d'Atlantis, ne veut pas son trône. Dans le fond, on reprend les vieux stéréotypes du genre et aussi les vieux stéréotypes d'Aquaman parce que ça a souvent été le cas dans l'histoire d'Aquaman. Lui étant roi d'Atlantis et ne voulant rien savoir du titre, et aussi un peu son struggle comme voulant être un leader, parce qu'il étant né pour être un leader, mais n'étant pas le leader de la Justice League, c'est-à-dire toujours en conflit, en opposition avec Batman et Superman. aussi, le running dans le... Mais Batman est tout le temps en conflit avec tout le monde. Ouais, Batman aime personne de toute façon. Non, c'est ça. C'est Batman. Règle. Mais il n'y a pas d'interaction avec la Justice League dans le premier volume. Non, c'est rien, c'est bizarre parce que j'en fais passer un gag où c'est que Green Lantern se fout de sa gueule, dit qu'est-ce que tu vas faire toi pour nous aider? Puis Aquaman fait sortir plein de requins qui mangent les méchants. Et il dit à Flash, plus jamais je l'écœure lui. Non, c'est ça. Ah, mais il faut rappeler quand même que la Terre est quand même composée en majorité d'eau. D'eau. Et voilà. Doit-on le rappeler? Donc, Aquaman de Geoff Johns dans les 2 dernières années de New 52. Je l'ai pas sans main. Malheureusement, non, monsieur! Je veux voir les dessins, il l'a pas. Non, je l'ai pas, mais tu me l'emprunteras plus tard. Google-le. Cherche Aquaman New 52 et tu risques de tomber sur une image avec des requins qui bouffent du monde. Et voilà. C'est bon, je regarde ça tout de suite pendant que parce qu'Aquaman, il est maintenant le encore. Premier volume, je dirais, qui traite plus de l'adaptation encore de Arthur, parce que c'est son prénom, à vouloir encore s'acclimater avec les humains et encore son côté de ce genre. Est-ce que j'appartiens à l'eau ou est-ce que j'appartiens à la terre? C'est encore l'espèce de combat toujours... La dualité de son être. Exactement, oui. Arthur! Est-ce que j'aide Atlantide ou est-ce que j'aide ma nouvelle ville, ma nouvelle vie? Ah, j'aime bien le character design. C'est solide. Très intéressant. Comme j'ai beaucoup d'autodérision, beaucoup de drame, puis beaucoup d'action, surtout beaucoup d'action. Et des ennemis solides. Ouais, pour faire ça, faire changement, ils ont trouvé des méchants Aquaman qui ont de l'allure, c'est plus. Il y a encore Black Manta qui revient, mais ils l'ont revampé pas mal dans le volume pour dire que. J'irais pas écœurer le Black Manta, mettons. C'est quand même assez violent, quand même. Ah, c'est très violent, oui, oui. C'est hot. C'est bon, Aquaman, tu vois qu'un trident, là. Ah, mais pourquoi pas? Non, ça va faire, je suis en train de regarder ça, je te mets sur les internets, là, ça met de l'allure. Par la suite, on m'a souvent demandé ces derniers temps un bon comic de Superman. Là, donc, en plus que la semaine passée, on a Man of Steel qui sort en Blu-ray. Donc, j'en ai amené un bon. Un Grant Morrison, un grand cru de Grant Morrison, All-Star Superman, qui est un peu hors continuité. All-Star Superman, Grant Morrison, on le connaît souvent pour des histoires qui durent 4 ans, qu'on comprend pas le punch après l'avoir vu pendant 4 ans, voir ce qu'a fait Batman Inc., qu'est-ce qu'il a fait avec All New X-Men, avec beaucoup d'autres choses, et possiblement bientôt une histoire sur des fourmis qui vivent des vies normales. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Grant Morrison, c'est un écrivain écossais qui a un peu... Maintenant, Lord Morrison. Lord Morrison, exactement. Donc, qui a beaucoup aidé à relancer, au même titre que Frank Miller, faire une petite révolution dans le comic book en ajoutant son style bien personnel à lui. Oui. C'est un écossais, je l'aime pas. C'est un auteur qui va beaucoup sur la longue haleine, mais avec All-Star Superman, il a décidé de faire un recueil qui est un peu, dans le fond, le concept « Les 12 travaux d'Hercule », mais version Superman. Donc, Superman, apprenant qu'il va bientôt mourir, après s'être fait piéger par Lex Luthor, décide de combler des tâches qui vont faire lui un peu comme Hercule de la mythologie, comme un symbole pour l'humanité, avant de mourir, de faire une dernière grande chose pour l'humanité. Va donc, dans ce comic-là, Lois Lane ne sait toujours pas que Clark Kent est Superman et vice-versa. Donc, va dire à Lois Lane, « Hey bébé, je suis Superman. » Et elle le croit pas pendant tout le volume jusqu'à la fin. Même non, ça a l'air assez glauque, ça. C'est glauque parce que, comme dit, c'est la fin de Superman. Superman va mourir à la fin et il le sait. C'est même pas un punch. Avant, c'est quand il te reste peu de temps à vivre, qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là? Avant, c'est ce que Superman fait avec le temps qui lui reste. OK. Et Luthor qui a gagné. C'est un bon concept. Il y a Doomsday aussi, là. Ah, Doomsday. Pas mal de monde fait une apparition surprise. Comme dit, mais c'est un volume qui est hors continuité, dans le fond. C'est qu'il compte pas vraiment dans la continuité de Superman, même avant le New 52. C'est vraiment un concept de Grant Morrison. Parce que Grant Morrison, pour ceux qui ont lu ses comics ou qui l'ont vu Comic-Con il y a 2 ans, est un gars à concept. Comme un gars, ferais-tu un comic dessus des fourmis? Ben, il s'est mis à élaborer sur un comic qui pourrait faire des fourmis. Il faut en dire que, pourquoi je le fais pas? Pourquoi pas? Non, sans faire, ça a l'air vraiment intéressant. Je suis en train de le feuilleter là, pendant qu'on parle. Là, pis, Donc, All-Star Superman par Grant Morrison. On va dans un autre genre complètement. Pour ceux qui aiment le Roi Lion, ben, c'est probablement pas pour vous parce que j'ai une version du Roi Lion trash dans les mains. Yeah, je veux Bride voir ça. Of Baghdad, tiré d'une histoire vécue. OK, c'est très, très, très, très différent d'une histoire vécue parce que les lions parlent. On s'entend que les lions dans la vraie vie ne parlent pas. L'histoire, dans le fond, c'est pendant la guerre en Irak. Captain Obvious. Oui, tout à fait. C'est pendant la dernière guerre en Irak, le zoo de Bagdad avait été bombardé et la meute de lions, pour ainsi dire, s'est enfuie et se prenait dans Bagdad pendant le conflit, pendant quelques jours, quelques semaines, jusqu'à être découvert par une patrouille américaine, puis on était abattu simplement parce qu'un, il avait très faim, il était très dangereux, étant des lions affamés. Encore une fois, on est dans le trash et dans le très graphique. C'est le royaume trash, là. Comme je dis, c'est très triste. Attendez-vous pas à un happy ending? Non. Du tout. On suit ce groupe de lions à travers Bagdad qui est bombardé, où ça tire partout. Les lions vont essayer de faire des alliances avec d'autres groupes d'animaux pour s'en sortir. D'animaux, excusez mon français. Oh yeah, c'est pas moi qui ai fait un lapsus! Moi, je dis pas opus. Je ne le dis plus depuis très longtemps, à part sur une base volontaire. C'était pas une lapsus. On ne parle pas de lapsus ici, mais d'une erreur. Les grammaires. Voilà. C'est au plus qu'il faut plus dire. Là, tu viens de faire une erreur. Toi aussi, tu viens de faire une erreur. Félicitations, tout le monde. On est nuls. Vous êtes tous... C'est tough. C'est une partie de Puissance Maximale et présentée par Becherel. Becherel, apprenez à parler français comme du monde. Barnac. Barnac. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça... Allez, je vous chercher le tome 9 de François Pérusse. Le début de l'émission, le début de l'album, c'est ça. L'album est présenté par la langue française, là, par l'Office de la langue française. C'est tellement drôle, là. Allez-vous chercher ça spécialement pour le début, vous allez voir. Mais oui, continue, excuse-moi. Donc, Pride of Baghdad, très fortement conseillé, comme je dis, pas pour les cœurs sensibles. Surtout pas pour ceux qui ont vraiment trippé à mort sur le Roi Lion. Le dessin est un peu Disney-esque, je dirais, ce qui ajoute un peu l'élément trash. Ben, c'est plus cru, ça, c'est sûr, c'est plus rough comme dessin. C'est cru, mais c'est pas ça reste du style comique, je reconnais pas le style Disney pendant toute la Non, mais c'est très doux, là, à base, à part le fait que le concept est... Il trash beaucoup. Ouais, ça reste des animaux. Ah, des animaux. Ah, c'est donc bien qu'il y a des lions. Bang, hein, il est mort. Jusqu'à temps qu'il y ait une girafe qui se fait exploser à la tête par je sais pas trop quoi. Là. Ouais, par de quoi qui tire dans le coin. Je fais, damn. Non, sans faire, j'aime beaucoup ça. En tout cas, au visuel, là, je l'ai évidemment pas lu, malheureusement. Mais non, ça a beaucoup de gueule. Ensuite. Jeu de mots, Mike. Continuons continuons le trash. Punk Rock Jesus. Une BD pour vous faire réfléchir. Dans le fond, le concept étant, dans le monde de la TV-réalité, qu'est-ce qui pourrait choquer plus maintenant? Qu'est-ce qui pourrait tirer plus d'audition aux États-Unis? Nos histoires, excusez-moi, aux États-Unis, simplement, pourquoi ne pas cloner Jésus? Pourquoi pas? Hein? Un coup parti. Donc, un homme d'affaires plus ou moins honnête achète une île, pirate, ben, emprunte le Saint-Suaire et... avec l'ADN restant dessus, clone ce qu'on pense être Jésus. Et crée Jesus Park. Genre. Sauf que lui, il filme ça 24/24 et passe ça sur une TV. Donc, avec, bien sûr, d'un côté, toute la droite conservatrice américaine qui tripe leur vie sur le concept. Un petit bébé Jésus cloné aux yeux bleus. Bien sûr, on voit toute l'arrière-scène où, bien sûr, le Saint-Sueur venant du Moyen-Orient, la personne qui n'avait pas les yeux bleus, évidemment, était du Moyen-Orient. Donc, lui gueulait après les généticiens pour changer les yeux de couleur parce que ça apparaissait mieux à la télé. Tout le côté trash. On parle d'un clone de Jésus, puis dans des pages, il est affaire avec des motards, puis des guns, puis des blades. Oh oui, non, c'est là que ça devient trash, parce que le petit gars grandit avec sa mère, qui est évidemment une jeune fille américaine blonde, choisie... parfaite, mais qui devient alcoolique à la force parce qu'au bout de 3-4 ans, elle se fait suivre partout qu'une TV avec un bébé qui est possiblement le sauveur du monde pour la droite américaine. Tu verras un peu crackpot et t'as sa figure paternelle qui est un ancien membre de l'IRA qui est engagé pour protéger l'île. Donc, un gars vraiment, tu sais, catho croyant, qui s'est battu contre des Anglais, qui a fait sauter bien des affaires au nom de la foi. Puis d'Irlande, bien sûr, puis qui est assez rock'n'roll. Mais que lui, c'est promis de ne jamais plus tuer. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il ne t'en va pas t'en sacrer une sincère si tu rentres sur l'île. j'aime encore une fois le dessin qui est... quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelque chose. Shane Murphy qui a fait ça, qui a aussi fait American Vampire. Et beaucoup de Batman ces derniers temps. Ah ouais, je trouvais que ça avait un air de Batman, justement. Et c'est en noir et blanc, ce comic-là. Ouais. Oui, ouais, ce qui ajoute un peu l'élément punk rock. Ouais. Dans le fond, l'histoire, on voit évidemment toute la jeunesse du petit gars. C'est vraiment trash parce qu'il, d'un côté, il a plus de cours de religion que de cours de d'autres choses. Il comprend pas tout ce qui se passe. Lui, il est sûr qu'il fait un miracle. Il se rend compte qu'il peut pas faire de miracle. Même si la TV dit qu'il en fait. Non, c'est ça. Ça marche pas parce qu'il essaie de soigner sa mère, ça soigne ses amis, ça marche pas. Il se rend compte, dans le fond, qu'il a été élevé en vase clos avec rien. Fait qu'il s'arrange avec des amis qui sont sur le plateau pour se ramener des livres, se ramener d'autres choses pour découvrir le monde, dans le fond. Puis il se rend compte, dans le fond, que son existence est vraiment juste un plan de marketing. Et il se révolte. Il se met un mohawk, se pose de l'île et part un band punk. Solide concept, j'aime ça. Et avec son band punk, bien sûr, il fait tout ce que... Qu'est-ce que Jésus ferait? Et... Il y a chier tout le monde. Ah, c'est bon, ça. C'est que sortons les marchands du temple. Ouais, fait que finalement, il y a un gros punch à la fin qui fait que, tu sais, dans la fois, tu peux pas vraiment échapper à ton destin, mais ça fait un sauveur de l'humanité punk rock qui se sacrifie pour tout le monde en s'autodétruisant, dans le fond. Avec sa figure paternelle, notre membre de l'IRA qui le suit partout pour le protéger de tout le monde parce qu'il est promis à sa mère. Fait qu'on fait un coup de mec qui devient punk rock. Ben, c'est sûr que la droite catho américaine se met à vouloir le buter au lieu de l'adorer. Toutes les religions veulent le tuer. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Puis lui, ben, il a son gros fanbase qui grossit de plus en plus puis qui fait des concerts de plus en plus intenses, même si dans le fond, peu importe le coup, parce que des fois, son message, c'est « Vénérez-moi pas, je suis rien, dans le fond. » Là, c'est toute mon existence, c'est un néant total. C'est du gros nihilisme sale, punk rock. C'est vraiment une BD qui va vous faire réfléchir énormément. Mais, encore une fois, on peut s'échapper à son destin. Là, il y a la question. Le punch vous le dira. 96.9. Et voilà, on, vous êtes bien au 96.9 FM Lévis. On vous le rappelle. C'est publié par Vertigo, il faut le dire. Puis Julien, tu disais pas qu'il y avait une histoire par rapport à l'auteur qui avait écrit oui. ça? Shane Murphy, il disait que lui était un croyant Christian américain vraiment pratiquant. Jusqu'à qu'il y ait un accident. Un moment, il était faire du surf avec un ami qui était, lui, agnostique. T'sais, il était, lui, du Dieu, oui, mais peut-être. Fait qu'il s'est dit, gars, moi, dans ma vie, je ne demanderais pas à Dieu de me sortir du trouble parce que je vais me sortir du trouble moi-même avant de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Puis ce jour-là, justement, il s'est fait dire ça, puis ça l'a frappé parce qu'il y a eu un accident de surf. Puis justement, ça aurait pas dit, le premier réflexe qu'il a eu en tombant dans l'eau puis en mangeant les vagues, c'est de prier Dieu pour qu'il le sauve, pour pas qu'il se noie. Chaque fois qu'il se rend compte que, hey, ça marche pas, puis il s'est sorti lui-même de l'eau, puis il a survécu in extremis la noyade. Il dit, depuis ce temps-là, moi, je me suis questionné sur le concept de Dieu. Puis je suis maintenant athée. Mais ça, c'est chacun ses croyances, mais je veux dire, c'est ça qui a amené. Par exemple, lui, il voulait faire punk rock à cette époque-là d'une façon, du point de vue d'un croyant. Okay. Après ça, ça l'a amené à le faire, dire, ah, je voudrais le faire, l'amener à Vertigo et à DC d'une façon d'un athéisme. Mais finalement, il a essayé de prendre un point de vue neutre un peu. Qu'est-ce qui se passerait? Puis là, c'est sûr que ses croyances anciennes et actuelles sont très teintent beaucoup la BD. Mais c'est une ouvrage intéressante qu'il faut vraiment réfléchir. Donc, pas pour tout le monde, mais c'est très, très, très pertinent comme ouvrage. Excellent. Et là, le temps avance rapidement. Il t'en reste. Combien de temps? Il nous reste, mettons, environ à peu près 5-6 minutes. Là. OK. Bon, je vais en faire juste un autre. J'ai sorti des vieux manga de mes affaires parce que, justement, j'ai reçu le dernier volume récemment. Donc, un manga en deux parties, Gunnum et Gunnum Last Order. Oui. De Yukito Kishiro, artiste que je respecte beaucoup. Gunnum, qui est un volume, c'est un 8 ou 9 volumes, je me suis mis l'original, qui raconte l'histoire de Gally, une jeune fille robot dans le futur, d'un futur trash un peu à la Mad Max. On est vraiment dans le très trash. Oui, on est dans le trash, là. Ouais. Mais mettons le petit thème punk rock après. Non, c'est ça. Mais, dans le fond, a été découvert dans une décharge par un scientifique. Qui restait juste la tête puis son cerveau actif, il l'a rebâti, puis elle se souvient de rien. Elle se souvient juste que, ben, possiblement, elle a plusieurs centaines d'années, puis ça fait un petit bout qu'elle est en décharge, puis qu'il reste juste sa tête. Pourquoi il reste juste sa tête? Pourquoi elle a tout scrap? Pourquoi elle se souvient de rien? Ben, c'est un peu l'histoire du livre, de la série de manga. Elle va se réaliser qu'elle connaît les arts martiaux, mais au bout de ses doigts. Puis c'est son apprentissage ou son réapprentissage d'arts martiaux qui vont mener, dans le fond, à la découverte de qui elle était dans le passé. Bien sûr, c'est fini abruptement au volume 8 ou 9. En tout cas, on corrigera. Je me souviens plus trop. Ça fait tellement longtemps. Parce que l'auteur est tombé malade et il ne pensait pas pour finir. Donc, a fait une fin un peu boboche, abrupte, où c'est pour mal tout le monde meurt. OK, oui, oui. Sauf que, il trash. Le quelques années, il décide de recommencer la série comme il le voulait. Donc, il a dit, prenez le volume 8, enlevez le dernier chapitre, ça ne compte plus, on repart de là. Donc, on retrouve Gally dans l'espace. In space! toujours en quête de son passé, de sa vérité à travers les arts martiaux, mais en ayant changé de décor un peu. Donc, fortement conseillé pour les amateurs de manga un peu philosophiques, arts martiaux et sci-fi. Dans le cyberpunk, je pense qu'il ne s'est pas fait vraiment mieux dernièrement. Non, c'est assez solide cette série-là. La Sorda, je ne l'ai pas lu malheureusement. Mais non, je le suggère moi-même. Mais même pas juste toi qui le fais, moi-même je le fais. Tout le monde devrait lire ça. Donc, allez vous chercher ou allez voir ça. Gunnum Last Order également. Merci beaucoup, Julien, d'être passé à l'émission pour nous parler comic book et manga dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci. Et oui. Tu seras de retour. Prépare-toi parce que ta prochaine chronique, ça va être pendant le temps des fêtes et ce sera un spécial. Bio Guide. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut s'acheter? Qu'est-ce qu'il faut acheter à nos amis geeks passionnés de comic book pour Noël? Une réponse, Batman. Non, c'est ça, Batman. Parce que c'est Batman. Because it's the goddamn Batman. I'm Batman. Et là, on va continuer la musique, M. Castigan, et on va y aller cette fois-ci avec... on en met souvent à l'émission, mais c'est toujours bon. Le Nile Band avec un boulet dans le groupe. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. 96.9 FM. Dans cette auberge où l'on... l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats, j'ai bousculé. Dans cette auberge, l'on s'est rencontrés, 5-6 soldats, j'ai bousculé. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Y en a bien 4 qui voulaient me frapper, c'est mon chat noir qu'ils ont piétiné. Si j'avais su ce sortilège, jamais ça ne serait arrivé. Si j'avais su ce sortilège, malheureusement je l'avais oublié. Mais ce sortilège que j'avais oublié, arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. Arrivé à la porte du donjon, j'ai voulu tenter de l'accrocher. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. C'est là qu'un piège s'est déclenché, c'est le voleur qui a été tué. Si j'avais eu mon parchemin, j'aurais bien pu le détecter. Si j'avais eu mon parchemin, mais il est couvert partout de taches de vin. Et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Dans le premier couloir on avançait, un troupeau d'or qui est arrivé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Une boule de feu j'aurais lancé, mais c'est le nain qui se l'est ramassé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, j'aurais sans doute mieux visé. Si j'avais eu ce vieux grimoire, celui que j'ai paumé avant-hier au soir. Et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. C'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est dans les caves qu'on s'est échappé, on pensait être en sécurité. C'est sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'elfe qui s'est détecté. Sur un troll qu'on est tombé, c'est bien sûr l'elfe qui s'est détecté. Si j'avais saisi ma baguette, elle aurait pu le pétrifier. Si j'avais saisi ma baguette, je ne l'ai pas fait car elle était en miettes. Et cette baguette qui était en miettes, et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, mais ce sortilège que j'avais oublié. Dans les catacombes on était planqué, une énorme cloche effleurée. Dans les catacombes on était planqué, une énorme cloche effleurée. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Le dragon que j'ai réveillé fit du guerrier son petit déjeuner. Si j'avais eu l'anneau unique, ce dragon je l'aurais bousillé. Si j'avais eu l'anneau unique, qui m'a été volé un jour par un hobbit. Et l'anneau unique volé par un hobbit, et cette baguette qui était en miettes. Et ce vieux grimoire égaré l'autre soir, et ce parchemin couvert de taches de vin, et ce sortilège que j'avais oublié. Hey everybody, this is Brenel Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. De retour à Puissance Maximale avec Brenel Floss et on vient d'entendre le Nalban avec un boulet dans le groupe. Et là, M. Castellan, il est temps de parler Assassin's Creed 4 auquel on a joué sur PS4. Donc, évidemment, là, ce ne sera pas... en tout cas, au niveau graphique, on va parler évidemment de nouvelle génération. Andrew, comment t'as trouvé ça? Ben, je te dirais que, en frais de, premièrement, je suis pas un fan de Assassin's Creed. T'sais, j'ai joué au 1, j'ai fait trouver ça correct. J'ai joué au 2, le Brotherhood et Revelation que tu m'as prêté, d'ailleurs, qu'il va falloir que je te rende. C'est toi qui as ça. Oui, c'est moi qui ai ça. Et, t'sais, j'ai trouvé ça correct, mais t'sais, j'avais pas le poil qui me levait ses bras. J'ai pas essayé, mais je t'ai vu jouer à Assassin's Creed 3 et j'ai fait « Wesh, un cougar qui sort d'une roche à mes cœurs. » Non, ouais. En fait, l'expression exacte que j'ai dit, c'est « Ok, tu viens de te faire mauler par un cougar qui a spawné d'une roche. » J'ai fait « Ouais, Chris. » Ou encore « Ah, je marche dans le bois et ah, je tombe dans le néant de la map. » Ouais, c'est ça. Et que ça n'arrive pas juste une fois. Mais il faut dire que le 3 était... a été assez solide au niveau du n'importe quoi. Et là, je parle de l'histoire puis du graphique puis des bugs. Ou le personnage fait « Je tiens clairement du côté de ma mère. » Ouais. Parce que oui, parce qu'on voit son père dans le 4 puis on est comme... On voit tous ses ancêtres dans tous les autres Assassin's Creed. On fait comme « Tu sors d'où, toi? » Ouais, c'est ça. Mais t'sais, il est aussi drap que Val Kilmer dans Batman. T'sais, faut se dire aussi que dans le 3, en plus Connor, t'sais, c'est un personnage d'un peu vide de personnalité, là, ouais. Versus Ezio, puis même à limite Altaïr a plus de... Ben, Altaïr est intéressant, mais c'est sûr que t'sais, quand t'as fait trois jeux que tu fais avec la même perso, genre avec Ezio justement, ben... Tu t'attaches. T'sais. Tu t'attaches, puis il est intéressant aussi, Ezio. Le genre de personnage, il y avait de la viande autour de l'os, mais là, Connor, on a fait... Comme dit une certaine metteur en scène québécoise, à quelle heure le punch? Mm. Donc, mais bref, je dirais que le 4, là, il a fait une bonne entrée en matière. Tu commences dans une tempête avec un bateau, puis là, t'es là avec... Tu sais même pas quel, si tu joues ton personnage, parce que c'est à la base, il faut savoir que le personnage, c'est pas un assassin. Non, au début, c'est ça. Parce que je dis le personnage, ben je me rappelle plus de son nom. Moi, je cherchais ça, moi, pendant que tu déblatais. Mais c'est ça, dans le fond, le personnage, c'est un gars qui est marié avec une femme et qui rêve de richesse et de prestige. Et pas forcément prestige, dans le principe. Je veux être reconnu de tous comme étant le plus grand pirate ou tout ça. Non, en fait, il veut juste avoir une vie décente avec une richesse pour dire qu'il n'a pas à se casser la tête pour nourrir sa femme, qu'il n'a pas à se casser la tête pour les murs de sa maison, pour qu'il toffe quand il vante. Et toutes ces affaires-là, dans le fond, il veut rehausser sa qualité de vie. Et la première idée qu'il a eue, ben, je vais m'engager dans la marine. Ben, pourquoi pas? Quel mauvais plan! Parce que, tout ça pour dire que, dans le fond, on prend on commence à jouer où, dans le fond, on se rend compte qu'il a décidé de ne pas être un marine et de faire une vie de piraterie par simple principe que crime, ça rapporte pas assez. C'est plus payant. C'est ça. Juste attend qu'il se bute à un assassin. Justement, qui est en mission. Et on finit par se clasher et le tuer. Et on fait, c'était facile. Une récompense. Écoute, je suis vraiment d'accord avec toi. L'entrée en matière est vraiment intéressante. Moi, j'ai testé vraiment juste pour la mécanique rapidement, là. Mais sans faire, je te voyais jouer, j'ai hâte de me l'acheter. J'avais un pas mal meilleur feeling qu'avec Assassin's Creed 3. Ben c'est ça, je trouve que l'histoire est intéressante. Ça se passe dans un monde de pirates, tout le monde va dire « Julien? » Mais tout ça pour dire que dans le fond, le jeu est intéressant, les personnages, on voit que Connor ne retenait pas de son père, parce que son père, il est fendant, puis il se ramasse dans des batailles de bord, puis... il y a une grand gueule, là. Ça y dérange pas de dire des affaires à un gars puis de se faire péter le nez 2 secondes après, là. Fait que, tout ça pour dire que, le personnage, il a un caractère. En fait, c'est le grand-père de Connor. Ouais, c'est ça, le grand-père de Connor. Son nom, c'est Edward Kenway, le nom du personnage qu'on joue dans le 4, qui est le père de Atem Kenway qu'on joue au début du 3. Voilà. C'est ça, mais dans le fond, on retrouve un petit côté fendant un peu qu'on retrouvait à Ezio, justement, dans Assassin's Creed 2, justement. Tu sais, un petit côté cocky, là. Bon, ben, il y a ce côté-là qui revient, dans le fond, là, au niveau du personnage. Moi, une des peurs que j'avais à Assassin's Creed 4, c'est que, il disait que, plus de batailles navales, parce que, c'est qu'est-ce qui avait marché. J'avais peur que ce soit juste ça. J'avais peur qu'il mettait trop d'emphase là-dessus, mais finalement, on se rend compte que le bateau, il joue le rôle du cheval. Parce que, dans le fond, on se ramasse à Cuba, puis dans Caraïbes, et tout le kit. Fait que... On va se promener dans une petite île avec notre bateau, puis on peut croiser du monde qui nous attaque. C'est ça, exactement. Fait que, dans le fond, c'est pas plus pire que quand on était avec Altair ou Ezio, avec un cheval, en train de se promener, dans le fond, puis on pouvait rencontrer des Templiers ou des choses comme ça sur la route. Et en même temps, ben, on n'a plus l'élément de fast travel sur la world map, là, dans le fond. Là, vous prenez votre bateau, puis vous y allez. Puis vous pouvez ramasser. Ça pourrait être tannant pour certaines personnes. Des fois, il y a du bon, qu'est-ce que tu taponnages de voyagement entre les places, puis c'est long. Mais j'avoue que, les graphiques qu'il y avait, la mer, le bateau, je fais, c'est cool, ça flash. Visuellement, c'est intéressant. Mais c'est en même temps, si vous faites vraiment la peine de ramasser les viewpoints, les fameux points de synchronisation avec le fameux aigle, ben eux peuvent servir de points de fast travel. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de tout traverser là. Non, non. Dans le cas où vous voulez vous rendre un point à l'autre. Sinon, la map est quand même relativement grosse. Je dirais, c'est pas aussi gros qu'un jeu comme Skyrim ou des choses comme ça en frais de map. Mais pour un Assassin's Creed, c'est ma foi très énorme pour une map où on peut se promener sans faire de fast travel. Seul bémol, par exemple, que je trouve, c'est que Assassin's Creed, ça marche avec un principe que le personnage qu'on joue, c'est une émulation d'un personnage qui est dans le monde moderne. Donc, la map n'est pas disponible en open world au début. OK. Elle est supposée de se débloquer plus loin dans le jeu, d'après les dires de certaines personnes ayant plus d'heures de jeu que moi. Et ça fait en sorte que au début, mettons qu'on veut se rendre une place, ben, on va se buter au fameux mur de la désynchronisation. Ça, personnellement, je trouve que ça tue un peu l'ambiance. Ouais, ça nous ramène un peu au concept justement de la simulation. Autre chose intéressante, je trouve, c'est le début du jeu. Oui. Parce qu'on se rend compte au début, c'est pas vraiment un spoiler, là. Non. Que vous n'êtes pas Desmond au début. Vous êtes un gars qui rentre chez Abstergo Entertainment, une compagnie de jeux qui développe des jeux à partir de mémoires de personnes avec l'animus. Et vous devinerez pas que vous allez deviner que les gens d'Abstergo, en fait, c'est des gens, c'est des Québécois. Ils rencontrent « Salut Audrey! » ils ont vraiment un accent québécois. C'est qu'on se croirait chez Ubisoft Montréal, vraiment. C'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil. Puis en plus, nous autres, le jeu est en anglais. Fait que là, on voyait les mondes d'Abstergo qui parlaient. Puis à un moment donné, ils avaient « Salut Audrey! Comment ça va? » Avec l'accent québécois, sans faire, c'est vraiment après drôle. Ça, ils retombent dans un anglais quand même correct. Mais là, une fois que tu l'as entendu parler en français, tu fais « Ah non, là, j'entends tout ton accent. » C'est drôle. Non, mais c'est vraiment... Puis c'est ça, la mise en abîme, là, vraiment, là, de la... avec l'industrie du jeu vidéo et tout, là, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Mais là, vu que moi, j'ai pas vu plus loin, là, je sais pas qu'est-ce qu'on fait là, dans ce mode-là. Parce qu'on est en mode, on est en mode première personne. Premièrement, on n'est pas comme avec Desmond dans les autres, où on est en troisième personne, puis on se promène comme avec le personnage dans l'animus. Là. En fait, il y a juste des collectibles à ramasser à date que j'ai vu. OK. À date. C'est bon. Fait que, en gros, toi, ça te fait raccrocher à la série? Ben, tu sais, je dirais que ce jeu-là, il a fini par apprendre de ses erreurs. Je dirais qu'Ubisoft avec le... Ah, tu sais, je veux pas dire que le 3 est un mauvais jeu, parce que j'ai pas pu y jouer. Je me fie sur les commentaires des gens, il y a du monde qui l'ont adoré. Mais j'ai l'impression que le 3, ils ont voulu changer. Tu sais, essayer de changer un peu en rajoutant plus d'armes à feu, un système de cover, un système de combat plus dynamique, les batailles navales, moins des villes, plus de forêts, des placements en nature... Et j'ai comme l'impression que le clash qu'il y a eu avec les joueurs, que les joueurs ont dit « Hey, telle affaire, ça marche pas, puis tout ça », ben pour une fois, je dis pour une fois parce qu'Ubisoft, ça leur arrive de pas écouter leurs fans, t'sais, comme certaines autres compagnies. Et j'ai l'impression que Ubisoft, ils ont pris des notes, ils ont fait « OK, le monde a mis le bateau, on pourrait en mettre un peu plus, l'intégrer différemment dans le jeu ». Qu'est-ce que je trouve personnellement qui a été bien intégré, dans le fond? Parce que le bateau, il servait à faire des missions dans le 3, puis on s'en servait plus après. Là. Ben c'est ça. Puis après ça, pour le système de combat, en fait, le monde a aimé le système de combat, regardez le système de combat. Donc, en fait, un petit melting pot, dans le fond, de qu'est-ce que le monde a aimé des anciens, qu'est-ce qu'ils ont aimé du 3, puis ils ont essayé d'éliminer le plus possible qu'est-ce que le monde n'a pas aimé. Et en même temps, t'es Ubisoft, je veux pas dire que c'est une mauvaise compagnie, encore une fois, mais ils ont des fois tendance à sortir des jeux qui sont buggy, ouais. Qui ont des petits bugs et tout ça. Et je dirais que Assassin's Creed 4, j'ai eu deux bugs graphiques notoires depuis que j'ai joué dessus. Et je dirais que je suis quand même très impressionné par l'aspect accompli que le jeu a. Au niveau des bugs, j'ai eu une affaire d'une épée qui spinait à terre. Tu sais, mettons qu'un ennemi a tué, ouais. Est tombé, puis là, l'épée a commencé à tourner. Et un ennemi qui a fusionné avec un canon. Non, il pouvait pas se promener, il a pas spawné dans le canon. Fait que tu sais, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Fait que c'est pas si mal que ça, mais moi en tout cas au côté visuel quand je te regardais jouer là, c'était selon moi là, sur la PS4 en tout cas c'était à des mille de ce que le Assassin's Creed 3 sur PS3 était. On a des textures vraiment intéressantes au niveau des visages aussi, les visages, l'animation des visages est pas mal plus travaillée. Un gros 2 pouces en l'air pour les gens d'Ubisoft. Je trouve que c'est un beau son par en avant. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir le tester vraiment là, plusieurs heures. En fait, j'ai hâte d'y jouer vraiment beaucoup. Donc, dès que j'aurai les moyens de me l'acheter, je le ferai. D'ailleurs, il va sortir sur Xbox One. Il est déjà disponible avant la console. Mardi. C'est ça. Donc, quand la console va sortir vendredi, vous pourrez déjà avoir, comme M. Éric Lajeunesse, avoir déjà votre Assassin's Creed 4 entre les mains. Et il est aussi disponible sur PC. Il est sorti également en même temps que la version Xbox One sur PC, donc pour les joueurs. Mais j'ai quasiment envie d'aller me la chercher version PC cette fois-là, puis tester au niveau graphique s'il est bien fait au niveau PC. J'ai pas joué aux anciens. Je pense que je vais tester ça PC cette fois-là. Je vais me lancer. Parce que ça me fait un peu chier d'aller me chercher la PS3 puis d'avoir vu ta PS4. Mais je pense que le PC, je vais être bon pour avoir quelque chose de au moins aussi bon que la PS4 avec la machine que j'ai, je peux pas croire. Hein. Donc ouais, je pense que je vais aller là-dessus. Écoute, Nero, je te demanderai donc combien de Hidden Blade sur 10 donnes-tu à Assassin's Creed 4? 4. 4 sur 10? Ah, excuse, j'ai compris sur 5. J'ai dit sur 10. Excuse-moi. Je te colline. Ça me semble que c'était pas si payé comme critique, là. Ah, 4, c'était de la merde. J'aime ça, mais j'aime pas ça. Non, c'est ça. 8. Ah, bon, merci beaucoup, M. Castegan, pour cette critique. Et on va aller en musique avant de passer en nouvelle ludique. On va aller écouter deux tunes, une après l'autre. Parce que là,

Cubane des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Puis là, on a décidé qu'on vous parlerait pas de nouvelles ludiques. On allait parler avec nos amis, les deux snooze. Hey! Comment ça va, les boys? Ça va bien, vous autres? Ben, ça va bien. Ouais, non, ben. Mais j'aime ça, moi, les nouvelles ludiques. Je trouve ça plate que vous en fassiez pas. Ben, on fait ça pour vous autres, l'air de chialer. Ben, je peux en donner une. Mais avant tout ça, là, juste dire aux gens, là, pour ceux qui ont pas entendu les deux snooze, c'est eux qui font les magnifiques parodies de Puissance Maximale sous le nom de Force Optimale. Ouais, ça se ressemble pas du tout. Non, pas du tout. Avec Mig le Mage et Andrak le Barbare. Ouais. Et en fait, un excellent. Moi, j'ai vraiment trippé sa toune que vous avez faite, là. J'étais au bureau. Je tarte ça au bureau. T'as comme un de mes boss qui rentre. Je fais, c'est quoi ça? Je fais, ils sont vraiment craqués, les gars. Mais sans farce, j'adore écouter les parodies que vous faites. Là. Dans le fond, c'était pour vous lancer une petite perche un petit peu, mais c'est aussi pour nous autres, parce qu'on a toujours voulu faire une chanson avec des geeks, justement, puis pouvoir parler comme ça, puis l'autre, c'est comme ça un petit peu. Tu sais, tout le monde écoutait Simpsons, le gars des bandes dessinées. Ben, on a toujours voulu faire une niaiserie avec ça, mais on n'avait pas l'opportunité de le faire parce qu'il n'y a pas d'émission comme ça ici avec des gens qui se prétendent, qui sont geeks et qui... Ouais, t'as deux minutes de corriger. Ouais, c'est ça. Des pseudo-connaisses. comment détruire la réputation d'un show en une phrase. T'invites ces deux cabochons, là. Ben, tu sais, vous autres, vous êtes geeks. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on a fait. On a eu cette expérience-là puis on ne pas faire ça. On va sûrement en faire d'autres. Ben, sûrement. J'espère bien. Là, vas-y donc avec ta nouvelle, Andrew, là, pour satisfaire Alexandre. Ben, en fait, Barbe Noire, le protagoniste, le méchant de Assassin's Creed 4, va être disponible en DLC et jouable. Hourra! Écrit une méchante nouvelle. Ça, c'est ludique, ça? Non, non. Ben oui. Ben, pour, sinon... c'est pas Black Flag. Ouais, Black Flag, mais c'est, il porte le chiffre numéro 4. Ah, aussi. Ah, OK. Mais sinon aussi, Black Mesa, jeu PC, qui était un remake fait par des fans, dans le fond, de Half-Life 1. Excellent jeu, d'ailleurs, les deux snows, si vous ne l'avez pas joué. Et ben en fait, ils vont retravailler le jeu pour ressortir une nouvelle version, mais payante ce coup-ci, avec un engine plus abouti et vraiment une version 2.5 du jeu. Pas 2.5, 1.5 du jeu, dans le fond, avec des goodies de plus et qu'est-ce que, dans le fond, Valve, à l'époque, ne pouvait pas faire. On en avait déjà parlé, d'ailleurs, du jeu dans une émission, il y a de cela, des lustres. En 98, Half-Life. En fait, si j'ai bien vu passer, il y a une nouvelle aujourd'hui qui disait que Half-Life a 15 ans aujourd'hui. Ah, OK. Donc, on est bien timé. Donc, 15 ans déjà. Ben, c'est justement pour ça qui ont décidé de se lancer là-dedans. Oui, puis c'est autorisé par Valve. Donc, ceux-là qui font CS? Oui. Ben, c'est autorisé par Valve et ils ont dit qu'ils allaient aider l'équipe dans le projet et qu'ils étaient bien d'accord avec le projet, mais il n'y a pas de date de sortie pour le moment. C'est cool, j'ai une première bonne réponse. Non, c'est bon, prends ça, c'est ton papier. Mais là, les gars, justement, la question, c'est vous autres, jouez-vous? Ben oui, ça À quoi vous jouez, là, vous autres? Ben. Êtes-vous rentré dans la folie Grand Theft Auto? Ben voilà, moi je suis PlayStation 3, je joue à Grand Theft Auto 5. Je suis maintenant level 40 et... pour vrai? Oui. Ben, j'ai joué un petit peu. Moi je me trouve hâte, je suis rendu level 13. Moi je suis level 2. Ouais, moi je suis pas dans les deux chiffres. Non, je suis 8 ou 9, quelque chose comme ça. Ok. Êtes-vous sur PS3 les deux? Non, moi c'est Xbox. Xbox, ouais, toi tu es avec la gang de Manu. Ben c'est vite dit, là, ils sont jamais là. Non, non, c'est ça. Ils sont tout le temps en privé ou whatever. Non, c'est pour ça que j'étais allé PS3, j'avais plus de temps avec quelqu'un d'autre. Ok. Que je jouais avec des. Ben c'est vrai que à l'école. Monsieur Mike est dans une crew. À un moment donné, quand je vais être rendu dans mon loyer avec tout, je vais être dans la crew aussi. On va faire comme un cheval avec mes chums, on va faire des dépanneurs à 4, est-ce qu'on réussit à se faire dégommer les cartes. Mais là, tu peux partager l'argent, genre mettre 25% à chaque. C'est ça. Tu te ramasses 100$. Non, vrai. C'est malade. Tu sais, t'as les grosses dépenses. Là. Ben, c'est quand qu'ils sortent les banques. Là. J'ai vu qu'on pouvait faire des banques aussi, mais c'est pas sorti encore. Ben, en ligne, non. C'est ça. Mais là, il y a un update qui est sorti hier, je crois. Ouais. Un update gratuit. Beach Bum. Beach Bum. Mais là, il faut que j'aille la downloader. Il est supposé avoir une trentaine de nouvelles missions. Ouais, il y a des nouvelles missions. Tu vas avoir un bateau qui peuvent te donner un auto, une nouvelle coupe de cheveux, des nouveaux vêtements. Ils ont donné le paquet, là. Hier, un de mes chums qui l'a testé. Puis, non, c'est ça. Ben, vu ce qui s'est passé au lancement du online, là, ils essayent vraiment de se rattraper, Rockstar. Puis, ça va bien à date, le 500 000 dans le compte de banque. Tu as acheté quoi avec ça, Marcus? Ben, moi, j'ai acheté un logement, mais pas le plus haut à 400 000, là, plus au milieu de la ville. J'ai fait à peu près. Puis j'ai pogné un char de luxe, tu sais. Fait qu'on a du fun. Non, j'ai trouvé ça le fun qu'il ait donné 500 000, tu sais, parce que c'est long au début, avec peut-être ton appart, avec peut-être de quoi. Fait que là, au moins, avec les 500 000, ça fait ouf, OK, j'ai un appart, puis après ça, là, je peux faire d'autres choses. Avec le garage pour mettre nos chars, pour pas être obligé de courir après tout le temps. C'est sûr que s'il avait attendu encore un mois avant de sortir un DLC, là, j'aurais capoté, parce qu'il n'a plus rien à faire, là. Là, t'as fait les survies, t'as fait les ça, t'as fait ci. C'est redondant, c'est ça. Fait que là, avec les nouvelles missions, au moins, t'as des nouvelles courses, nouvelles affaires, c'est plus intéressant, parce que là, sinon, je commençais à, excusez le langage, m'emmerder. Ouais. Mais toi, Alex... Mais moi, je suis un gamer, plus... moi, c'est sport, puis course. Moi, on joue à NHL. Je suis pas shooter, je suis pas jeu d'action. Mais tu joues sur console? Sur console, okay. Exclusivement. Fait que moi, c'est NHL, c'est les jeux de course Gran Turismo, Forza. T'attends-tu, là, Xbox One, les nouveaux, le Forza, là, qui est annoncé? Là, t'as-tu des images de ça? J'ai vu des images passer, mais je suis pas au point d'acheter la Xbox tout de suite encore. Non, tu fais bien. Mais j'avais Gran Turismo 5, puis j'ai quasiment pas joué. Okay. Étonnamment, là, je pensais passer de ma vie là-dessus, puis il a ramassé la poussière. T'as pas accroché quand t'as joué? Non, pas en tout. Puis pourtant, j'étais un gros fan. Là, je disais tout de suite, du premier, le 3, j'ai joué comme un malade. Mais la plupart des gens que je connais qui ont été fans de la série sont arrivés au 5, ils ont fait que c'est ça. Ouais. Ben, c'est parce que ça revient au même. Mané, ils font les chars à la perfection. C'est de la simulation. Fait que quand tu joues un peu à Need for Speed, là, tu t'amuses à faire des chiffres 90 degrés. Ouais, ça, c'est arcade à fond. Pis... Ben, c'est ça. Puis là, tu retombes sur des jeux de simulation. C'est un peu plus difficile, là, mais. Donc, c'est ça. Moi, c'est vraiment juste sport. Ben, justement, il parle de jeux de sport NHL 94. NHL 2014. C'est meilleur. Ouais, c'est vrai que c'est bon, 94. NHL 2014, on a une équipe que moi et Alex, on a parti. C'est JMD FM. Yeah. Donc, on joue dans une ligue de garage. Puis, c'est ça. Il y a moi, Alex, Joey, Manu. Fait que s'il y en a qui jouent à ça. Nous autres. Non, pas à toi, tu joues de sport. C'est pas que moi, c'est les jeux de football. J'adore les jeux de Maiden. Là. J'ai joué pas mal, mais j'en ai pas racheté récemment. Faudrait que puis j'ai vu mon frère s'acheter le dernier qui était sorti chez eux, sa grosse 50 quelques pouces. Full HD, là, tu vois. C'est malade. Un bon Madden, nous autres, on se fait toujours une soirée Super Bowl. C'est ça, j'allais dire. À chaque année, on se fait une soirée Super Bowl, puis le coup de pied d'envoi toujours à 6-7 heures dans ce coin-là. Mais nous autres, on arrive vers 3 heures l'après-midi, puis on joue des games de Madden, on se fait des tournois, c'est vraiment cool. Là. On prend vraiment les équipes qui sont en Super Bowl. Yeah. C'est ça qu'il faut, on se fait un petit trip de même. Là. Avec bien de la bouffe, fait que c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que les manettes soient bien. Est-ce que c'est de la bouffe du resto de passant? Hein? Ah ben oui! Ben évidemment. Cette année, on va essayer. Pour vrai, ils sont rendus, juste pour faire une petite parenthèse, ils sont rendus avec justement des menus. Service traiteur. Donc tu peux commander pour un banquet, un petit banquet. Fait qu'ils ont plein de menus. Fait que toi, dans le fond, t'en as un qui t'attend à chaque jeudi? Ben non. J'essaie de manger un petit peu moins qu'avant. Fait que là, ben non, mais tu l'as. Si, mettons, on fait une soirée ici à CGMD, on peut commander un petit 5 à 7, là, un petit kit, ils vont nous préparer ça. Puis... Ouais, des petits œufs, des petits sandwichs, etc., des ailes, n'importe quoi. Tu demandes ce que tu veux, puis elle te fait un prix, paf! Tout est là. On aime ça du monde d'adon de même, nous autres. Fait que c'est ça, un 5 à 7 à un moment donné où ben, on se fait un party de Noël, 7, là, ben on commande là. Excellent. Bon, pas mal jeux de téléphone cellulaire aussi. Ouais, t'es pas mal là-dessus. Mais je trip. C'est pas un jeu, ça. Candy Crush, toi, let's go. Bye, Candy Crush. Ah, t'as été accro longtemps, toi. Ouais. Fait un méchant bout avec... Ça compte comme des jeux, messieurs, tout à fait. Ah, oui, c'est des jeux Andrew, casual. Andrew, il est plus élitiste là-dessus. Dans le sens que c'est divertissant parce que c'est un jeu, mais... Ça fait passer le temps. Ben, à la limite, moi, je rentre ça dans la catégorie des jeux flash, internet. Oui, jeux flash, ouais. Ben oui. Êtes-vous pas mal MMO, vous autres? Non, pas du tout. Pas pantoute. Non, moi, je suis un crucifix, une perche et... Tu vois, le seul affaire que je joue présentement qui ressemble un peu à MMO, c'est Grand Theft Auto Online. Okay. Le moindrement, là, c'est ça. Moi, sinon... Ben, généralement, les gays vont jouer à WoW, LOL... Mais c'est quoi ton Star Wars? Marcus, je vais te demander de sortir immédiatement. T'as nommé WoW. Non, OK, ça. Ah ouais? Wow, non, WoW, j'ai jamais accroché, mais vraiment pas. En fait, pas du tout. J'ai joué quand ça sortait au cégep. Ça a sorti pendant que j'étais au cégep. Ça fait un bout, là, j'ai sorti du cégep. Là, puis j'ai jamais accroché. Même dans le temps où j'avais joué à peu près n'importe quoi là, là-dedans, non. Mais non. Je vais à l'école, justement, puis tout le monde, c'est ça. Ça parle juste de WoW, LOL, puis Diablo. Non, puis Diablo, c'est encore pire que WoW. Là. Ouais. Mais c'est quoi Star Trek, le jeu? Ben oui, c'est ça que je voulais dire. C'est... C'est parti une petite game de Star Trek. C'est vrai, ils ont sorti un mémo de Star Trek. Ouais, je avec mon frère, on commence à monter nos vaisseaux tout. Alors, on va s'en reparler. Moi, je connais un très bon jeu qui s'appelle Artemis Bridge Simulator. Tout le monde a son ordi. Puis on fait tout un poste sur un vaisseau spatial, le gars qui s'occupe de l'engineering, le capitaine. Moi, je passe la mop. Ah non, mais le ground de Star Trek est dégueulasse. Là, ça, je vous le dis tout de suite. C'est juste pour les vaisseaux. Mais quand tu fais du ground, là, ça se contrôle pas bien. Okay. C'est une grosse, grosse lacune là-dessus. Ceux-là qui sont. Mais je te montrerai ça, Marcus. Ouais. On pourra te montrer ça, Manek Andrew. Je suis sûr que tu serais prêt. Mais écoutez, les gars, merci d'être passés rapidement. On est partis, nous autres, là. Non, mais c'est correct. Mais de toute façon, c'est la fin de l'émission. Donc, merci aux deux snooze d'être passés. On vous écoute demain à 22h. Pour les gars, décrivez votre émission aux fans de Puissance Maximale qui vous connaissent pas encore. Là. Ben nous, en fait, c'est pas mal du divertissement général. On fait pas de nouvelles beaucoup. Fait que c'est rock and fun. On passe la musique rock. On jase de n'importe quoi. On a la chronique Alco Rock à 23h. Andrew est souvent témoin. Ouais, il a été souvent témoin. Il venait faire un tour. Puis... Ouais, ben là, c'est à cause que notre game de Pathfinder a recommencé le jeudi. Non, c'est ça, là, les gars. Parce qu'avant, on avait toujours l'Irlandais qui était dans l'autre salle à côté. Là, il entendait le mot alcool. Fait qu'il était là, tu as quelque chose pour moi? C'est ça, j'ai envoyé un message privé à Marcus. Je disais, hey, en passant, t'oserais pas m'inviter. C'est ça, ben regarde, t'as pas osé m'inviter dans ton show d'asseoir, mais nous autres, on est venus puis on s'est imposé. Et voilà, vous avez bien fait. Ça que demain, on se parlait pas sur Facebook d'abord. Ben non, jamais. C'est que demain, 22h. D'ailleurs, je tiens à saluer un de vos collaborateurs, Dave Carmichael, qui nous aide aussi. Ah ouais? Puis à partir d'aujourd'hui, en fait, il va enregistrer nos émissions toutes les semaines pour les versions podcast. C'est pris des contrats, lui. Hein, Dave, merci beaucoup à Dave. Tu nous aides beaucoup. Ça nous enlève un poids sur les épaules. Comme ça, on s'assure que nos auditeurs auront notre émission toutes les semaines. C'est qu'écoutez les deux snooze demain et... Bonjour, mesdames et messieurs. C'est la fin. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content de l'air à chaque semaine. Merci à Andrew Castegan d'avoir été là à la mise en onde. J'ai commencé à me sentir oublié, là. C'est ça qui arrive à la console. Tu viendras dans un snooze, on va boire. Andrew, il n'a jamais assez d'attention. Jamais. Merci beaucoup à Pierre-Luc Pelletier qui nous a parlé de sécurité informatique, à Julien Materne qui nous a parlé de comic book, à Marc-Aimé qui était là. Mais elle a parlé. Elle a parlé, effectivement. Elle a rajouté l'annexe à la chronique de juillet. Et aussi, salutations à Vanessa Audet-Giroux, dont c'est la fête, une auditrice de l'émission. Salutations. Et on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour aller écouter nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Vous allez sur Facebook, aimez la page parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Surtout qu'on veut que vous parliez de la page tout plein à vos amis. Puis il faut rester pour les rois du sport. Oui, pour les rois du sport, tout de suite après avec Valier Roy. Et comme à notre habitude, on vous souhaite une excellente semaine de jeu. Little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day.